Chères auditrices, chers auditeurs, ici Strussman et vous écoutez le Conseil des Trois, épisode 0, podcast 100% Nintendo, animé par Citan, Sid et moi-même. Jingle. Nice to be a goldfish. Wave race. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous écoutez, comme dit précédemment, le Conseil des Trois, podcast 100% Nintendo, et je suis accompagné de Citan. Salut Citan, comment ça va? Bah écoute, bonjour à tous, ça va bien, ça va même très bien. On enregistre ce podcast le tout premier de notre émission, on espère qu'il y en aura beaucoup d'autres ensuite, et je vais passer la parole maintenant à Sid pour savoir comment il va. Salut Sid, ça va bien? Salut Citan, ça va très bien, et puis écoutez, heureux de vous retrouver tous les deux, et puis de commencer ce podcast en compagnie de tous ceux qui nous écoutent. Trussman. Bah moi ça va super, super excité de finalement commencer ce podcast, parce que au final c'est un projet dont on a un peu parlé, et puis pressé par le Nintendo Direct, on s'est lancé, donc nous voilà, super contents. Et j'espère que vous aussi vous êtes contents, chers auditeurs qui nous écoutez, potentiels auditeurs, car pour l'instant on ne sait pas, étant donné que c'est l'épisode 0, épisode origine. Alors peut-être je vais vous parler un peu d'abord du podcast, du principe. Donc comme dit précédemment, c'est un podcast 100% Nintendo, donc axé sur l'actu Nintendo et du coup sur la Switch, puisque maintenant c'est la dernière survivante, mais quelle survivante des consoles Nintendo. Donc au cours de ce podcast, pour l'instant le format n'est pas évidemment définitif vu que ce n'est qu'un pilote, mais on va aborder donc les news relatives à l'univers Nintendo. On va aussi se parer d'un petit interlude musical, parce que pourquoi pas, suivi ensuite d'un dossier. Alors le dossier, je vous l'annonce pas tout de suite, on garde ça pour l'annonce du sommaire, et on fera ensuite un petit tour d'horizon, voir ce que chacun d'entre nous a envie de dire sur la Switch, sur les jeux auxquels il joue ou les jeux qu'il attend. Et puis voilà, mais peut-être qu'avant de commencer, il faudrait qu'on se présente, donc je sais pas, Sid, tu veux te présenter peut-être? Eh ben écoute, c'est parti, du coup moi c'est Sid, Nintendo et moi, ça a commencé sur Game Boy Color avec Pokémon jaune, je n'ai pas connu tout ce qui est... Famicom et Super Famicom, mais je connais quand même les jeux de nom, et grâce aujourd'hui aux consoles virtuelles, l'abonnement Switch Online, je suis en train de rattraper un petit peu mon retard. Sinon, tout ce qui est licence auquel j'apprécie Pokémon, Animal Crossing, évidemment The Legend of Zelda, tout ce qui est Mario. En dehors de Nintendo, je suis relativement ouvert à tous les genres, et j'aime bien les jeux qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Voilà pour moi. Citan ? Eh ben moi, j'ai 35 ans déjà, pour donner mon âge. J'ai commencé à jouer sur console Nintendo sur la NES du voisin qui avait Bubble Bobble, donc à l'époque, et Super Mario Bros. 3. On jouait, c'est là où j'ai commencé les consoles Nintendo. Moi, j'avais des consoles Sega, et oui. Donc, en parallèle, j'ai pu jouer quand même aux deux. Et oui, j'ai pu jouer en parallèle aux deux. Après, j'ai eu ma première console Nintendo à moi, ça a été la Nintendo 64, avec Mario 64. Et depuis, j'en ai pas lâché une seule. Voilà, et tout. En termes de jeux Nintendo, j'aime à peu près tout ce qu'ils font chez eux, même Animal Crossing, donc j'aime vraiment à peu près tout ce que je te présente. Attention à ce qu'on dit. Oui, tout à fait. Je dois être le seul mec sur Terre qui veut un nouveau Wave Race aussi, mais ça tout le monde le sait peut-être déjà, en fait, dans ceux qui écoutent. Ouais. Et puis après, pour les autres consoles, j'ai eu à peu près de tout aussi, des PlayStation, des Xbox, et je suis assez ouvert dans tous les genres de jeux. Le seul genre que j'aime pas trop, c'est les simulations de voitures. Ça, j'ai jamais pu, mais bon, voilà. Et toi, Trussman ? Eh ben moi, Trussman, 30 ans. Voilà, je viens d'avoir 30 ans, donc je les encaisse là, dans le bide. Mais bon, avec ma petite Switch chérie, ça me permet de passer le cap. Ouais, donc moi, j'ai découvert l'univers Nintendo à l'âge de... assez tôt en fait, à l'âge de presque 3-4 ans, lorsque mes grands frères ont eu pour un anniversaire ou je sais plus trop quoi, une NES. Alors c'est marrant parce qu'à l'époque on a eu donc la NES avec Super Mario Bros 3 et le Tortue Ninja. Et on m'avait interdit de jouer à Mario Bros 3, en fait. Je sais pas pourquoi. Il m'avait interdit de jouer à Mario Bros 3. Et donc, c'est vraiment mes grands frères, genre, tu vois, ils plus âgés que moi. Donc, ils pouvaient me tabasser s'il fallait. Donc, j'étais condamné à jouer à Tortue Ninja. Et j'ai appris à aimer ce jeu. Et j'adore toujours ce jeu. Donc, voilà. Ma lettre d'amour à Tortue Ninja NES. Et ensuite, j'ai pas trop eu de console Nintendo jusqu'à la Game Boy Color, mais j'ai toujours, grâce aux amis, aux voisins, aux gens qui faisaient l'acquisition, par exemple, d'une console de merde, style la Saturn ou la... Non, je déconne. Doucement. on va se calmer. Non, mais bon, grâce aux voisins, aux amis qui prêtent un peu les consoles, j'ai pu jouer un peu la SNES, etc. Et ouais, depuis cette époque, j'ai toujours été vraiment très attiré par les jeux Nintendo, donc mes licences vraiment phares, c'est évidemment Zelda, et bon, Mario aussi, mais je dois avouer, petite confession, que Mario, j'aime beaucoup, mais c'est pas vraiment le truc qui me fascine. Non. Enfin, si, ça me fascine parce que, bon, niveau game design, etc., mais c'est pas non plus ma licence de l'amour, mais j'aime énormément quand même. Et puis ouais, en vrai, tout l'univers Nintendo, moi, ça me botte. Et puis voilà, mais c'est pas pour autant que je suis fermé aux autres. J'ai eu des consoles Sony, je joue à d'autres jeux, etc. J'ai eu une grosse période PC, donc assez ouvert, mais mon cœur est dévoué à Nintendo. Donc voilà pour ma présentation. Donc, à moins que vous ayez autre chose à ajouter, on va peut-être passer au sommaire de l'émission maintenant. Ouais, c'est parti. Alors, le sommaire, ça va être très direct aujourd'hui. Très direct, pourquoi ? Parce que Nintendo Direct. Donc, on va commencer par les news. On va parler évidemment du Nintendo Direct. Et puis peut-être d'un petit truc qui est apparu sur l'Internet assez récemment, quelque chose qu'on a un peu de mal à définir. On va ensuite avoir un dossier, mais avant le dossier, un petit interlude musical qui nous a été concocté par Citan et dont il aura le loisir de vous présenter le thème après les news. Le dossier sera en lien, en fait, directement avec le direct, pardon pour la répétition, et le thème sera les portages, remaster, remake, trop, pas assez, c'est la jungle. On va en débattre et on va en finir en fait par ensuite un tour d'horizon. Donc comme je l'ai dit en introduction tout à l'heure, tour d'horizon où c'est un peu la tribune libre, chacun dit un peu ce qu'il veut sur sa Switch, sur les jeux Nintendo, ce qu'il voudrait voir revenir, ce dont il a envie de voir disparaître aussi, pourquoi pas, les jeux auxquels il a joué, etc. etc. Et puis ensuite, il sera temps pour nous de nous quitter pour ce premier épisode. Donc voilà pour le sommaire, donc on va enchaîner avec les news. Et donc la partie Nintendo Direct. Nintendo Direct qui a été diffusée dans la nuit de mercredi à jeudi à 23h59, minuit, c'est vous qui voyez. Mais peu importe, car je suis sûr, ou en tout cas j'espère que vous étiez devant votre écran d'ordinateur ou devant votre Switch pour suivre ça sur YouTube, Twitch, ce que vous voulez. Nintendo Direct qui a été annoncé quelques jours avant, mais qu'on a quand même assez pressenti puisque... Voilà, on connaît un peu le calendrier, le timing de Nintendo maintenant, et on savait que, voilà, aux alentours de septembre, il devait y avoir un Nintendo Direct, d'autant plus qu'il y a le Tokyo Game Show qui arrive. C'était vraiment un timing, je dirais pas idéal, mais pressenti. Pas idéal parce qu'on a tous un backlog de malades depuis la mitraillette de cet été, et qui continue, mais on va pas s'en plaindre. Alors ce Nintendo Direct, vous l'attendiez ? Si tant tu l'attendais, toi ? Alors oui, moi j'attendais le Nintendo Direct, comme tu l'as bien dit au début, Nintendo fait très souvent un Direct en septembre, à cette période de l'année, généralement où ils présentent leur fin d'année, enfin ils en présentent ou même représentent leur fin d'année et puis leur début d'année suivante, souvent, même s'ils disent toujours qu'ils présentent que la fin d'année, ils débordent toujours sur 2020, début d'année, même vers plus, on en reviendra tout à l'heure. Donc oui, je l'attendais pas mal, j'avais surtout envie, moi, à titre personnel, d'avoir des news sur ce qui allait vraiment sortir en fin d'année au niveau tiers, parce qu'effectivement, depuis quelques temps, on sent bien une montée en puissance chez Nintendo des tiers, qui amène de plus en plus de projets, que ce soit on y reviendra aussi tout à l'heure, des remakes, des portages, mais également des nouveautés, également des jeux inédits spécifiques à la console. Donc à ce niveau-là, j'étais assez intéressé de voir ce qui allait enfin pouvoir être proposé pour la fin d'année. Ouais, je vois. Et toi, Sid, tu l'attendais, ce direct ? Moi, je l'attendais par défaut, en fait. Hein. Comme tu l'as dit, ça doit faire 3-4 ans maintenant qu'il y a un direct qui arrive en septembre. Donc, en fait, c'est un petit peu comme le rendez-vous de l'E3, quoi. On l'attend parce qu'on sait qu'il va y en avoir un, quoi. Après, le planning aujourd'hui de la Switch, il est ce qu'il est, c'est-à-dire que ça dégueule un peu de tous les côtés depuis le second semestre. Et il y en a tellement de jeux que qu'il soit là le direct, tant mieux. S'il n'était pas là, c'était pas très important. Ouais, c'est vrai que je suis d'accord sur ce point. J'avais pas. Enfin, moi, j'ai été content de l'annonce du direct, donc toujours, parce que ça fait une raison de parler sur les forums, de parler avec ses potes de l'actu Nintendo, etc. Mais c'est vrai que, étant donné le calendrier de sortie, là, enfin, j'avais pas, au niveau des jeux, par exemple, il y a toujours des licences que j'ai envie de revoir, par exemple F-Zero, ou tu citant Wave Race, ce genre de choses, mais en même temps, enfin, je veux dire, à part s'ils annoncent un jeu pour avril, ou pour même, je sais pas moi, enfin, milieu 2020, enfin là il y a tellement de choses à faire sur Switch que, puis il y en a en plus un peu pour tous les goûts de plus en plus grâce au soutien croissant des tiers. C'est vrai que, enfin, moi j'avais pas vraiment de jeu que j'attendais, enfin je sais pas, vous aviez des jeux là que vous attendiez pour le direct? Moi personnellement j'attendais un jeu pour 2020, un jeu surprise en fait. Il ouais. Y en a eu un, mais c'est pas celui-là que j'attendais. J'attendais plutôt, on va dire, un nouveau jeu. Voilà, j'attendais un nouveau jeu, n'importe lequel. Je suis toujours content de voir quelque chose qui sort un peu des stocks de Nintendo. Et voilà, là, j'attendais que ça, mais sans attente particulière, sinon. Oui, je suis un peu dans le même état d'esprit que Sid. Si tu devais citer un jeu, effectivement... Moi, comme d'habitude, ce serait plus un jeu de course arcade, genre que Nintendo a un peu mis de côté depuis de nombreuses années maintenant. Oui, mais bon, ça, je me doute bien que le public aussi est peut-être pas forcément, on va dire, en masse sur ce genre de jeu. Mais oui, n'importe quelle licence, même une nouvelle licence que Nintendo pourrait faire, en fait, ça m'intéresse toujours parce que je me dis qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire en gameplay. Alors là, on a une annonce. Effectivement, on en reparlera après. C'est pas. En plus, j'aurais pas forcément parié là-dessus. Donc, mais en tout cas, je suis vraiment content que Nintendo en fait ait touché justement ce jeu-là. Donc on en reviendra après aussi, mais ça m'a fait quand même assez plaisir. Ok, bah si vous le voulez bien, on va passer maintenant au direct à proprement parler. On va un peu décortiquer. Donc le direct qui s'est ouvert sur l'annonce surprise, mais malheureusement pas surprise, faute au leak sur internet d'Overwatch Legendary Edition, donc qui est prévu pour le 15 octobre 2019. Donc Overwatch, c'est un jeu Blizzard qui est sorti à l'origine en 2016 sur PC, Xbox One, PS4. Donc enfin, pour le pitcher rapidement, jeu multijoueur plutôt orienté compétitif, donc multijoueur online, pardon, orienté compétitif, hero shooter, donc FPS avec des héros, skills différents. Tu composes une team, tu joues avec tes amis ou avec des gens sur internet que tu ne connais pas, et le but c'est de gagner des objectifs sur des maps. Donc il y a des protection de convoi, où il y a des prises de points, ce genre de choses. Donc bon, n'importe qui a joué à Team Fortress 2 à une époque. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais, Team Fortress, Team Fortress à la sauce Blizzard, quoi. Exactement. Et moi, personnellement, c'est un jeu que j'aime beaucoup, mais donc déjà, ça a leaké avec ce fameux accessoire pochette Switch à l'effigie d'Overwatch. Enfin, quand tu vois ça, il n'y a plus de doute que le jeu va sortir sur Switch. Mais mis à part ça, ouais, moi, personnellement, ouais, c'est un jeu qui me botte, mais... Bon, déjà, il y a le backlog, et puis il y a eu cette annonce que le jeu tournerait à 30 FPS sur Switch. Ça, c'est un peu dommage. Alors, je ne sais pas si vous êtes quand même intéressé par le jeu. Je ne sais pas, toi, Sid. Moi, Overwatch, j'y ai déjà touché une bonne centaine d'heures sur PC. Ah ouais. Du coup, c'est un jeu que j'apprécie énormément. J'aime beaucoup l'univers, ce qu'a fait Blizzard un petit peu. Et j'avais déjà touché à Team Fortress en plus avant, donc j'aime bien ce genre. Sur Switch, comme tu as dit, là, ça, les 30 FPS, pour ceux qui ont joué à Overwatch, ils savent que c'est un jeu qui part dans tous les sens, qui est très rapide, qui est dynamique. J'ai un peu peur que ça casse un petit peu tout le dynamisme en fait, d'une partie d'Overwatch. Bon. passer cette chose, moi je le reprendrai pas parce que je suis plutôt quelqu'un qui joue au FPS sur PC principalement. Donc même qu'il soit à 60 ou 30 FPS, je ne l'aurais pas pris parce que j'ai déjà fait ce qu'il faut sur PC. Voilà. Ok, et toi citant Overwatch, c'est pas un coup de jeu de course arcade, mais bon, ce que... Non, moi, par contre, tu vois, je suis peut-être, j'ai été certainement beaucoup moins joueur PC que certains à une époque, mais j'ai quand même joué à des jeux PC. Et dans les développeurs PC que j'adore, il y a Blizzard, ça c'est clair. C'est des gens, je trouve que c'est des développeurs PC qui se rapprochent le plus de la philosophie console en termes de gameplay, en termes d'instantanéité de jeu et de finition. C'est vraiment un des meilleurs développeurs pour moi. Le Overwatch, du coup, bah, vu que c'était bizarre, j'y ai déjà joué. J'y ai déjà joué sur Xbox One, moi, en plus, à Overwatch. J'y ai joué une bonne aussi, comme si une bonne centaine d'heures. Donc, ça a été génial. Moi, j'adore c'est un jeu qui est basé sur la vitesse, c'est un jeu qui est basé sur la combinaison des pouvoirs, donc sur vraiment le teamplay à 100%. C'est vraiment presque impossible par moment, si tu joues en équipe, de faire la différence tout seul, en fait, à Overwatch, c'est ça qui est bien. Ça construit, tout est construit sur le team building et tout ça, donc c'est hyper intéressant. Mais le truc, c'est qu'effectivement, en center, j'ai vu ce que je voulais voir, on va dire, dans Overwatch. Et je suis assez d'accord avec vous. Vu la vitesse du jeu, vu la précision demandée dans certains pouvoirs, vu la vitesse d'action, c'est sûr que le 30 FPS, ça risque de faire un petit peu mal au dynamisme du jeu, qui est quand même une de ses grosses qualités, c'est que c'est pas mou du tout Overwatch. Donc j'ai un peu peur que, bon, si on n'y a jamais joué effectivement et qu'on n'a qu'une Switch, pas forcément. Oui, c'est un très bon FPS multi, c'est top, on peut s'éclater entre potes très bien, mais si on y a déjà joué ailleurs ou si on l'a ailleurs, là, vu que c'est un jeu purement online, j'ai beaucoup plus de mal à le conseiller sur Switch, en fait. Ouais, alors juste pour compléter quand même, suite à l'annonce, ils ont donc annoncé les 30 FPS, ils ont quand même annoncé aussi que le chat vocal serait supporté nativement, donc pas besoin de passer par une application bizarre sur téléphone. Et il y a une version boîte pour les amateurs de physique, et vous trouverez dedans un code, voilà, vous pourrez télécharger le jeu grâce à votre boîte. Super. C'est une exposition marketing là-dessus, hein. Il ne faut pas se cacher. Exactement. On veut son jeu dans le rayon Fnac, Carrefour et compagnie. Hein. Ouais, c'est clair. Et puis, bon, en vrai, un jeu comme Overwatch, il y a peu d'avantages à l'avoir sur cartouche, au final. Exactement. Oui, c'est des jeux mis constamment à jour, avec du coup tout le temps, là, pour qu'il fasse le triple de la taille en démat alors que tu l'as en cartouche 2 ans après, c'est vraiment aucun intérêt, quoi. Pardon, tu voulais dire quelque chose? Je voulais rajouter Yajiro. C'est vrai. Alors, moi, je suis pas du tout un spécialiste de la gyroscopie, mais je sais que il y a beaucoup de joueurs, Nintendo notamment, qui adorent la gyroscopie depuis... en partie Splatoon, et j'ai vu que c'est Nintendo apparemment qui a poussé Iron Galaxy, donc le développeur aux côtés de Blizzard, à intégrer le gyro, donc je pense que c'est une très bonne nouvelle. Oui. Ouais. Et puis c'est toujours important, je trouve, en fait, d'avoir une valeur ajoutée sur ton jeu quand tu l'as enfin sur ta console. Voilà, bon, je sais pas si ça va être vraiment un argument de vente, mais au moins tu peux dire que sur Switch, en plus d'avoir le jeu en portable, bon, t'as le jeu en 30 FPS, mais t'as le jeu en portable et avec les contrôles des gyro, etc. Donc, c'est vrai que ça a souligné. Ensuite, le jeu qui a suivi Overwatch lors de la présentation... J'aimerais juste rajouter une chose. Ouais, bien sûr. Avant de passer à la suite, souligner que Overwatch n'est pas crossplay. Donc, en fait, les joueurs Switch joueront ensemble. Et ça peut choquer au début, mais il faut savoir qu'en fait, Overwatch, que ça soit sur PC, PS4, Xbox One, maintenant Switch, il n'y a pas de crossplay, en fait. Donc, c'est à l'étude, mais je pense que c'est juste des mots pour assurer. Ça va poser un vrai problème sur Overwatch, parce que le coup des 60 FPS contre les 30 FPS au niveau du jeu, ça va être un problème, hein, qu'en termes de, pas que seulement de réactivité, mais en termes de délai et tout, ça va poser forcément un souci par rapport au serveur. Ça peut, surtout qu'il y a dans Overwatch, il y a des assisted kills, c'est-à-dire des gens qui aident beaucoup à tuer les autres. Et s'il y en a qui sont beaucoup plus rapides à se prendre des dégâts et d'autres pas, ça va forcément déséquilibrer un peu le jeu. Je pense que là où Diablo 3, par exemple, je pense que c'est possible, là, c'est beaucoup plus difficile, je pense, sur Overwatch à faire un crossplay, valable sans faire des ajustements du jeu. Ouais. C'est clair que bon, il y a aussi l'autre problème de l'absence de crossplay, c'est tout simplement est-ce qu'il y aura assez de joueurs sur Switch, en fait. Si tu pour ton matchmaking, si t'as pas envie d'attendre 5 minutes pour trouver des joueurs, ça c'est la grande inconnue. Ah oui, ça c'est vrai ça. Oui, c'est sûr, oui. En sachant que, comme tu dis, le jeu sort le 15 octobre, donc face à un autre gros jeu, The Witcher 3. Voilà. Bon. On aura l'occasion de revenir dessus, mais ouais. C'est vrai qu'il y a un petit goulot d'étranglement d'ailleurs à cette période d'octobre. Enfin, on verra dans la suite. Il y a d'autres jeux qui sortent et ça fait peur pour les autres jeux. Donc voilà. Je suis vraiment maintenant Luigi's Mansion 3, donc toujours prévu pour le 31 octobre 2019, Halloween. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi faire pour Halloween, vous pourrez nettoyer un hôtel hanté à l'aide de Luigi et de son aspirateur magique dont j'ai oublié le nom, honte à moi. L'ectoblast. Voilà. Donc ouais, c'est toi qui suis. Toi, t'as l'air chaud patate sur le jeu. Ah ben, alors Luigi's Mansion, moi le premier, je l'ai découvert déjà pour prendre un petit historique de la licence pour expliquer pourquoi j'attends beaucoup le 3. Le 1, je l'ai découvert tardivement sur GameCube. Un ami me l'a prêté, devait être en 2004, tu vois, le jeu était sorti à la sortie de la console. Je l'avais pas pris parce qu'à l'époque, je lisais surtout les revues sur Internet, et pas sur Internet, dans les magazines, et qui disaient, oui, ça dure 5 heures et tout, c'est un peu cher, 70€. Alors ça m'avait freiné, moi, beaucoup. D'autres jeux étaient passés par là et je pouvais pas tout acheter. Ensuite, bah, j'ai testé le jeu et là j'ai compris que c'était génial. Le concept d'interagir avec absolument tout dans le décor pour fouiller les fantômes, les animations géniales de Luigi, le fait que ce soit un jeu un petit peu ouvert à la, le premier un petit peu à la Metroidvania, si je peux m'exprimer ainsi, même si c'est pas du tout aussi poussé que ça, j'ai adoré. Donc après, j'ai longtemps, comme beaucoup de monde, attendu le 2, et là, au 2, je sais que beaucoup de monde n'aime pas la formule du 2, parce qu'il est construit sous base de missions, qui dure à peu près entre 45 minutes et 1 heure, et qui peuvent paraître, pour certains, quelque chose qui brise dans l'aventure et dans l'exploration. Moi, j'ai trouvé que c'était génial et bien adapté au format portable pour faire des missions, des sessions courtes, et c'était excellent, sans parler de la 3D relief. Donc là, le 3, de ce que j'en ai aperçu, ça a l'air d'être un mix entre la formule du 2 et du 1, en fait, avec des objectifs précis par étage, en fait. C'est-à-dire, on peut voir les missions comme un étage, et ensuite avec l'exploration libre apparemment du premier. Quoi. Ils ont fait vraiment un mix des deux. C'est visuellement fantastique de ce qu'on voit, c'est vraiment peut-être le plus beau jeu de la console. C'est bourré d'animations, de détails, d'interactions, ça a l'air de se renouveler à chaque pièce au niveau des idées. Il y a un mode multijoueur, dont je me souviens un certain testeur qui avait dit que c'était pas terrible sur le 2, il a dû y jouer 5 minutes et mourir, parce que quand j'avais joué à peu près 20 heures avec des amis, c'était génial. Donc là, c'est vraiment... Pour moi, en termes de jeu Nintendo, c'est probablement ma plus grosse attente de la fin d'année, largement quand même. Ah, le mot est lâché. Donc voilà, j'attends à fond Luigi's Mansion 3. Je pense que ça risque d'être mon jeu de l'année. Il a bien pris le chemin dans ce que j'en ai aperçu. Alors j'essaye de pas trop en regarder, parce que Nintendo est passé en mode « je vais tout vous montrer ». Donc j'ai arrêté de regarder, j'ai à peine vu dans le direct, j'ai juste vu le nouveau mode multijoueur, tout ça je m'en fiche un peu plus on va dire, donc le nouveau mode multicompétitif là, donc ça a l'air rigolo, mais ouais c'est vraiment vraiment de loin un jeu que j'attends beaucoup, j'adore cette licence quoi. Ouais, moi aussi je l'attends honnêtement parce que, enfin moi j'ai découvert Luigi's Mansion sur GameCube, ça a été mon jeu Day One, et j'avais pas de carte mémoire donc le jeu me paraissait super long. Et quand j'ai acheté une carte blanche, je me suis rendu compte que c'était super court. Mais ouais, non, là vraiment, ce que j'adore dans ce qui a été montré de Luigi's Mansion 3, c'est ce côté un peu Mario Kart-esque où tu vas un peu. C'est le Nintendo Parc d'attractions. T'arrives et t'as des univers différents à chaque étage et c'est n'importe quoi. En même temps, c'est super fin, c'est super stylé. Enfin, tu vois, je vais pas spoiler pour les gens qui ont zappé cette phase du direct, mais. Enfin, vraiment, t'as l'impression d'aller à Disneyland à la sauce Nintendo. Donc forcément, c'est mieux. C'est comme ça. Toi, Sid, tu l'attends aussi, ce Luigi's Mansion 3 ? Alors, oui, je l'attends, mais je suis pas aussi fou de cette licence que comme le sont certains. C'est-à-dire que j'ai pas joué au 1. Le 2, j'ai joué sur 3DS. Je suis un peu tombé dans le piège de la hype des forums, c'est trop bien, c'est blablabla, blablabla. Et puis en fait, quand j'ai découvert, j'ai trouvé que c'était un bon jeu, mais je n'ai pas ressenti la folie que je pouvais lire sur les forums. Donc je l'attends, mais je ne suis pas absolument pas à fond dans le concept quoi du jeu, même si je reconnais ses qualités, parce que je trouve que Luigi's Mansion, je pense que c'est une série qui doit continuer, parce que c'est quelque chose qu'on ne trouve nulle part ailleurs, en fait, tout simplement pour ça. Mm-hmm. Et comme je disais dans ma présentation, j'aime bien les jeux exotiques, donc autant je trouve que c'est un bon jeu qui me fait sans plus d'effet, mais au moins il a le mérite d'être original et de proposer quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs. Donc ouais, c'est bienvenu et je l'attends. Pour ajouter quelque chose sur Luigi's Mansion, ce qui est bien aussi, c'est que Nintendo continue avec Next Level Games son partenariat, en fait, c'est-à-dire les développeurs, si je dis pas de bêtises, qui sont canadiens, qui avaient fait auparavant Punch-Out, Super Mario Striker, Luigi's Mansion 2, et le mal-aimé, que moi j'aime bien, mais je suis le seul au monde, Metroid Prime Federation Force. Alors, je pourrais faire un podcast entier dessus pour expliquer pourquoi les gens étaient atrophiés du cerveau à ce moment-là. Mais, Metroid. Du coup, ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, c'est bien parce que cette équipe, on voit qu'elle est montée en puissance en termes d'ambition de jeu au fur et à mesure de son développement. On est quand même passé au départ de Super Mario Striker, qui est une licence de jeu de foot que j'aime beaucoup, mais ça reste quand même un jeu de foot d'arcade assez simple à faire. Ils sont passés quand même sur Luigi's Mansion, qui est vraiment leur licence la plus ambitieuse. Ils ont touché à des licences mythiques comme Punch-Out après ou Metroid. On sent bien que, et puis eux, ils sont, on va dire, je vais faire une petite comparaison peut-être un peu presque trollesque, mais comparé à Retro Studio, il y a plus de jeux qui sont sortis récemment, quoi. Donc, grosso modo, c'est la deuxième équipe en par contre, c'est des secondes parties, eux, ils appartiennent pas à Nintendo, mais ils ont un contrat de développement exclusif avec eux, de mémoire, si je dis pas de bêtises. Et c'est quand même une équipe américaine qui apporte une touche différente, en fait, dans les jeux Nintendo, rien qu'en termes des fois de direction artistique ou autre, un petit peu. Et ça, c'est pas mal pour rafraîchir quelques univers Nintendo qu'on a déjà beaucoup vu, souvent. Et ça, c'est bien d'avoir que Nintendo et une équipe comme ça qui fasse ces jeux-là pour eux, je trouve. Ouais, tout à fait d'accord. Et c'est vrai qu'on voit qu'avec Luigi's Mansion 3, bah, le studio monte en puissance et la licence monte en puissance, parce que là, on est vraiment à un niveau triple A. Enfin, je dirais pas vitrine technologique, mais bon, quand même, là, Tu peux le dire pour je la pense, Switch. Je pense, parce que c'est clair. Il y a des effets de lumière et tout ce qui va accompagner le gameplay, comme le vent ou les choses comme ça, je pense qu'ils vont... je pense que c'est pas une honte de le dire. Et d'ailleurs, je pense qu'on l'attendait pas forcément sur ce côté-là. Luigi's Mansion, c'est peut-être la future baffe technique, voire graphique de la Switch. Surtout qu'en plus, la presse qui l'a essayé a dit c'est hallucinant, c'est complètement support de la Switch, on croyait pas que c'était possible. Il y a eu des choses comme ça, les animations, les ennemis sont nombreux, enfin, les effets sont dingues, comme disait Cid, les effets de lumière, là, c'est la dinguerie, donc pour de la Switch, donc je pense que c'est vraiment, ils ont voulu en faire un showcase, je pense, de la Switch. Eh ben, on l'attend avec impatience, on va pouvoir bien s'amuser pour Halloween, et surtout qu'ensuite, parce qu'il y a la Toussaint derrière qui est fériée, donc on va pouvoir bien saigner le jeu si on n'a pas d'obligation ou quoi que ce soit. Enfin bon, on va passer au jeu suivant, qui a été le petit biscuit annoncé pour les abonnés online, Super Kirby Clash. D'ailleurs, enfin, j'ai même pas vérifié si c'était réservé aux abonnés online. Non, pas du tout. C'est vraiment le biscuit. C'est Super Kirby Clash, qui est sorti juste après la présentation. Donc, jeu gratuit, comme tu as dit, où on va aller chercher des quêtes, attribuer à chacun de ces Kirby un job pour aller taper du boss en chaîne, quoi. Donc, on peut y jouer seul, sur une seule console jusqu'à 4, en local, en ligne, jusqu'à 4 également. C'est un peu une redite d'un jeu qui était sorti sur 3DS de mémoire. Oui, c'est le même. Donc j'ai oublié le nom. Team Kirby Clash sur 3DS. Voilà. Ils reprennent le même concept. Puis là, j'ai pas téléchargé le jeu. On est parti sur un système où il va falloir payer, des gemmes ou des pierres pour peut-être affronter de meilleure manière les boss et de les vaincre, quoi. Tout ça pour dire que bon, c'est comme tu dis, Trustman, c'est vraiment un biscuit. Moi, je suis un peu déçu de ce qu'ils font avec la licence Kirby. Il faudrait que Sakurai y revienne un petit peu au développement, mais là, il est occupé. On va en parler. De ce que j'ai entendu aussi, il y a un petit, c'est gratuit, mais pour commencer, c'est jamais vraiment gratuit. C'est-à-dire qu'il y a, il y a des petits achats intégrés pour pouvoir progresser, etc. Façon jeu mobile, mais bon, a priori, ça a l'air assez, assez juste au final. C'est-à-dire que si t'as envie d'essayer, t'as envie de jouer, tu peux. T'es pas obligé vraiment de sortir la carte bleue. Donc bon, à essayer. Moi, je l'ai pas encore essayé. J'ai téléchargé. Hein, c'est sur ma console, mais j'ai pas encore essayé. J'ai pas eu le temps. Ouais. Je l'ai parti de personnel. Moi, je l'ai pas pris parce que du coup, je l'avais testé entre guillemets sur 3DS. Et quand j'ai fait le trailer, j'ai fait, mais c'est exactement le même jeu que sur 3DS. À part que c'est le moteur de Kirby sur Switch. J'avais testé avec des amis en local. On s'est amusé un peu, tu vois, mais je me vois pas remettre le couvert juste pour refaire un peu les mêmes choses. un jeu qui se destine, je pense, aux plus jeunes en plus. C'est assez répétitif rapidement, même très rapidement. Et je pense que c'est pour les gamins qui peuvent s'amuser entre eux, un petit truc gratuit, à faire des parties de 5-10 minutes comme ça, c'est très bien, mais ça va vraiment pas chercher plus loin que ça. Quoi. En ouais. plus que ce jeu-là, il vient d'abord d'un mode. Alors c'était soit Kirby Triple Deluxe ou Kirby Planet Robobot sur 3DS. C'était déjà un mode Boss Rush comme ça, où on était 4 Kirby, on avait ses jobs, etc. Après, ça a été décliné en version gratuite sur 3DS. Allez, ça revient sur Switch. Bon, c'est... on prend, mais voilà. Next, quoi. Bah, de toute façon, on peut corréler ça, en fait, avec l'annonce qui a dû arriver la veille du direct de Hal Laboratory, qui recrute encore pour un Kirby sur Switch, en fait, parce que, bon, ils sont quand même dédiés à 95% à faire ça chez eux. Du coup, ils ont juste fait porter eux-mêmes, ou fait porter en fait ça en attendant, pour nous dire de toute façon vous n'aurez pas de Kirby avant quelques mois voire un an, vous avez ça en attendant, puis voilà quoi, si vous aimez Kirby c'est le truc de l'année quoi. Et le jeu suivant c'était donc Trials of Mana qui, je le rappelle, est prévu pour le 24 avril 2020. Trials of Mana de Square Enix, qui appartient à la série des action RPG des Mana. Alors, Trials of Mana, en fait, est déjà sorti en Occident très récemment et pour la première fois est traduit dans la compilation Collection of Mana. Et il nous revient dans une version remakée. Alors, c'est un jeu que j'attends quand même pas mal parce que, d'une part, je suis assez intéressé par le jeu, et d'autre part, je trouve que au niveau de la direction artistique, c'est très joli, les graphismes sont plutôt plaisants, et je suis curieux de voir ce que ça va donner pad en main. Et puis, c'est vraiment... Enfin, ça a l'air d'être un remake de meilleure qualité comparé au Secret of Mana, qui, je trouve, était plutôt laid. Alors, vous l'attendez, ce remake de Trials of Mana ? Alors, moi, j'ai pas mal joué en fait à l'époque à Secret of Mana. En fait, j'ai adoré Secret of Mana, j'y jouais à deux avec un pote sur sa Super Nintendo, on y jouait beaucoup, j'avais adoré. Après, j'ai toujours été deg un peu de pas pouvoir faire Legend of Mana sur PlayStation 1, ça m'a toujours parce qu'il était super joli, il sortait pas en France et Square à l'époque c'était pas la peine, donc voilà. Et pareil pour le 4 sur PS2, on n'a jamais eu, donc du coup je me suis dit un jour j'aimerais bien toucher aussi au 3 de quelque manière que ce soit. Et là le 3, bah, on a eu la grosse surprise de Trail of Mana sur Switch, alors qui n'est pas une exclu mais quand même qui sort sur Switch, où il y a un boulot comme tu dis autrement plus respectueux que celui qui a été fait sur le remake PS4 PC de Secret of Mana, où là c'était une insulte aux fans, pardon, c'était un jeu mobile à la base. Oui, c'est un jeu mobile, mais on ne fait pas ça de Secret of Mana quand t'as des mecs, c'est leur jeu culte, parce que pour beaucoup c'était leur premier RPG, tu fais pas ça normalement, tu touches pas ça comme ça. Et là, Trials of Mana, c'est d'un style visuel qui respecte le design des persos d'époque, ça c'est important, parce que c'est vraiment le design 3D des persos d'époque avec un style que je trouve très joli en termes de cel shading et tout ça. Ça a l'air d'être dynamique dans les combats, c'est pas mou, c'est bien. Du coup, ça a l'air d'être comme mes manas, c'est-à-dire exploration de zone, en fait, avec pas mal de petits ennemis à vider et quelques petites énigmes et donjons. Et musicalement, le peu qu'on entend dans le... On n'entend pas trop là, mais qu'on avait entendu dans le Treehouse, en fait, de l'E3, ça a vraiment l'air génial. Moi, c'est un jeu que j'attends pas mal pour en faire en multi avec des potes aussi. On avait beaucoup aimé, justement, Secret of Mana, et là, je pense qu'il y a moyen de s'éclater pas mal sur celui-là. C'est clairement un des jeux les plus intéressants de Square Enix qui va sortir, hein, même quel que soit le support, là. Donc, je surveille de près. Ouais, encore une fois, enfin, je le répète, mais franchement, je trouve, enfin, ils ont réussi à trouver une combinaison entre la direction artistique et la patte graphique. Enfin, je sais pas, il y a un truc, moi, ça m'hypnotise limite. Et comme tu dis, ça respecte vraiment le chara-design originel, en fait. Et ça, c'est quelque chose au final qui est pas vraiment facile quand tu prends un jeu Super Nintendo et que tu le transposes sur les consoles modernes. Enfin, je trouve ça vraiment réussi, voilà. Et ce sera, je pense, un bon client pour le dossier tout à l'heure, lui. Tout à fait. Ça tease. Toi, tu nous rejoins sur Trials of Mana ou pas client ? Ouais, complètement. Bon, j'ai pas connu les premiers, hein, comme je disais, tout ce qui est période NES, SNES, j'ai zappé, donc j'ai pas connu ça, mais c'est vrai que voilà, ça fait plaisir d'avoir un jeu qui sort autrement qu'avec une hausse de résolution et puis 2-3 textures retouchées au fond de la colline, quoi. On est face vraiment à un remake total et respectueux, visiblement, de ce que vous dites. Et puis, c'est joli, c'est coloré, de la couleur, ça fait du bien. Et puis, ça a l'air sympa à jouer, quoi. Donc, moi, je l'attends. Et en plus, pour la première fois, il est localisé en français, si j'ai bien compris. Donc voilà, alors, aujourd'hui... La deuxième c'est fois, en fait, parce que Square Enix a traduit en français le jeu originel dans la compilation Collection of Mana, en fait, qui est sortie à la fin d'août chez nous. Et là, oui, le remake, du coup, est forcément traduit en français, ce qui sera très agréable. Jeu suivant, petite surprise indé, Return of Obra Dinn, donc ce jeu d'enquête où vous vous enquêtez, en fait, sur la disparition et les morts sur un bateau, équipé d'une espèce de montre-goussard remonter le temps, où en fait vous pouvez rejouer les scènes de mort de chacun des membres d'équipage et ensuite par déduction vous déterminez qui ou les causes enfin qui a tué ou les causes de la mort de chacun des membres. Et apparemment c'est super bien, enfin moi je l'ai pas fait et j'avoue que quand il est sorti j'attendais une version Switch, et là la sortie sur Switch qui est prévue pour automne 2019 sans plus de précision, ça va être pour moi l'occasion de découvrir ce jeu qui a avec sa patte graphique assez particulière, un peu noir et blanc, m'attire pas mal quand même. Alors je sais pas si c'est votre cas aussi, mais moi je l'attends. Ouais, non mais c'est clair. Moi je connaissais pas du tout avant, et la patte graphique, ouais, la direction artistique, forcément, ça m'a fait penser à Mad World un petit peu, cet univers noir et blanc. Et puis le concept d'une enquête sur un même bateau, ouais, pourquoi pas. Maintenant là. Je ne l'attends pas spécialement, mais c'est agréable de voir ce genre de jeu, encore un nouveau jeu qui débarque sur Switch. Ça fait plaisir. Ouais. Bah, du coup, moi, c'est vrai que j'avais joué à Papers, Please, le jeu de Lucas Pope, qui est le créateur là, de Return of Obra Dinn, le jeu précédent. Moi, j'avais beaucoup joué sur PC, un des rares jeux PC où j'ai beaucoup joué indépendant, justement, Papers, Please. Je trouvais le concept fascinant, en fait. Ça faisait, ouais. C'était un jeu, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, on jouait un douanier dans une république, on va dire une république dictature d'Europe de l'Est fictive, et en fait le but c'était de faire rentrer ou non les gens qui fuyaient en fait la guerre dans le pays ou pas. Donc c'était un jeu vachement bien au niveau gameplay, c'était un jeu d'observation en fait, hein, d'observation donc, et d'enquête un petit peu aussi, savoir ce qui disait la vérité et qui ne la disait pas. Et ça posait des questions, c'était intéressant comme jeu, et j'avais trouvé que lui, justement, le parti pris graphique qui était original et le propos était original. Là, Obra Dinn, c'est pareil, c'est un jeu d'enquête encore une fois, mais par contre, comme disait Sid, c'est assez rare d'avoir un rendu comme ça dans les jeux, et c'est vachement intéressant à ce niveau-là. Et le concept de pouvoir faire des enquêtes, j'ai compris, il remonte le temps en plus par moment avec sa montre pour voir ce qui s'est passé. Ça a l'air sympathique en fait à ce niveau-là de reconstituer le puzzle, on va dire. Et alors c'est un jeu à rejouabilité zéro, je pense, ça c'est sûr. Mais par contre, c'est à mon avis, c'est à faire une fois parce que je pense que ça doit être assez marquant, effectivement. Je l'attends pas forcément en me disant je vais l'acheter à tout prix, mais je pense que je le ferai un jour, ça c'est clair. Bah, jeu suivant du coup, le jeu dont on savait pas vraiment ce qu'il était devenu. Town, qui maintenant s'appelle Little Town Heroes, qui est prévu pour le 16 octobre 2019, donc dans le mouchoir de poche avec The Witcher 3 et Overwatch. J'espère que ça va pas trop lui poser de problème, et de ce qu'on en a vu, ça pourrait lui poser de problème. Alors je sais pas, oui. Sid, toi, qu'est-ce que t'en penses de ce petit jeu? Alors, pour remettre les choses au clair, c'est un jeu de Game Freak, donc les développeurs de Pokémon, et c'est pas la première fois qu'ils s'essayent avec des jeux autres que Pokémon, hein, faut le savoir. Il y a eu Harmony Knight sur 3DS, un jeu musical de rythme. Il y a eu un jeu avec Sega, il me semble, où on dirigeait un éléphant. Tout à fait. J'ai oublié le nom. Là, il retente l'aventure côté Nintendo, Little Town Hero, où on va incarner Axe, un garçon qui va devoir se battre à coups d'idées pour repousser les monstres qui envahissent son village. Alors, le concept a l'air plutôt original. J'ai regardé un peu la vidéo en détail. Les idées, c'est esquiver, ça peut être esquiver, jeter. Improviser, bon. C'est souvent une bonne idée d'esquiver en général. il y a peut-être finalement derrière ce petit RPG, il va y avoir attaquer, donc finalement ça rejoint un petit peu ce qu'on peut trouver en RPG tour par tour, attaquer, magie, machin, etc. Il y a peut-être un peu plus de nouveautés de ce côté-là. On pourra se déplacer dans le village pour se faire aider par les villageois et affronter les monstres, etc. Bon, faut pas trop s'attendre à un gros jeu, hein. D'ailleurs ça sort exclusivement sur l'eShop. Et les petites lignes au-dessus de la vidéo, que je pense pas beaucoup de monde ont vu, c'est que c'est traduit en japonais et en anglais uniquement. Donc, pas de français pour le jeu. Et pourtant, il avait fait bonne sensation lors de la première apparition. avec les comparaisons. Ah là là, c'est plus joli que Pokémon, c'est n'importe quoi. Que c'est Game Freak, ouh là là, les feignants, blablabla. Et puis en fait, hein, avec maintenant le jeu, il va sortir. On est dans un espace clos. Tout est au tour par tour. Il n'y a pas de. On se balade pas librement hein, quand on se dit se déplacer dans le village, c'est d'aller d'une case à une autre en fait, hein, qu'on voit dans la vidéo. Voilà, donc c'est un jeu Game Freak hors Pokémon, assez voilà, assez classique de ce qu'ils ont l'habitude de faire dès que Nintendo est pas derrière eux quoi. Ouais, moi honnêtement, quand je vois le côté un peu environnement restreint, etc., je me dis, est-ce que ça va pas être un peu répétitif ? Et du coup, je me demande si c'est pas en fait un espèce de roguelike, je sais pas, peut-être. Enfin, je sais pas, on n'en sait pas trop, de non ce que de ce que j'en aperçois, ça ressemble plus à un Tower Defense quand même. Ouais, voilà. Si je me trompe, mais ça a l'air d'être un Tower Defense RPG, et ça, c'est pas le genre de jeu que. Enfin, je veux dire, ça va être hyper répétitif de ce que j'en aperçois. Moi, c'est ma plus. C'est une des déceptions quand j'ai vu la deuxième fois, je fais. Ah, c'est Saturn, en fait. Ouais. Donc là, c'est. Oui, c'est à mon avis, faut pas attendre grand chose d'autre qu'un petit jeu sympa, quoi. Bon, par contre, ça reste quand même vraiment joli, hein. La direction est vraiment sympa, il y a un petit. Overwatch avec les monstres, peut-être un peu. Ils ont un design vraiment travaillé tous. De manière assez sympa, hein, je veux dire. Et puis, dernière chose, la musique, elle est composée par Toby Fox, le créateur de Undertale. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et ça, c'est. Je pense que voilà, c'est un petit plus qui peut attirer les gens. Voilà. Ouais, et j'adore ces musiques, donc je sais pas si j'achèterai le jeu juste pour les musiques, mais bon, peut-être en musique un jour sur YouTube. Peu importe. mais voilà, Little Tonero, ça va être un petit jeu, mais il faut pas s'attendre à des merveilles. Hein. Le jeu suivant, enfin plutôt l'axe suivant, c'est un gros morceau puisque c'était Super Smash Bros. Ultimate et le Shadow Drop du personnage de Banjo et Kazooie. Ça, bon, surprise, pas surprise, j'étais assez étonné quand même de le voir arriver aussitôt après le héros, mais bon, on va pas s'en plaindre. Et surtout, ça a été l'annonce, quelque chose qui avait déjà un peu leaké malheureusement, mais l'annonce de Terry Bogard de Fatal Fury et King of Fighters, donc personnage SNK, qui est en développement, donc on ne connaît pas la date exacte de la sortie. Ce que je vous propose, c'est que, étant donné que le direct a ensuite été suivi par ce que j'appelle un Sakurai Direct, je pense qu'on peut intégrer le Sakurai Direct dans cette section Super Smash Bros, parce que c'est quand même un gros morceau. Donc, présentation de Banjo et Kazooie, annonce de Terry, annonce de la version 5.0 avec son lot de nouveautés. Donc, je propose qu'on fasse peut-être un petit tour de table en commençant par Citan pour voilà, dire votre ressenti et ce que vous avez noté de cette présentation. Alors, moi, j'adore quand Sakurai, généralement, il fait ses présentations. C'est toujours sur le ton un petit peu de l'humour. Bon, là, presque du troll quand même hein, sur le Xbox, il est un peu fort, je trouve, mais c'était rigolo quand même. Les rires quand il dit de jouer à Banjo sur Xbox, il y en a qui ont trouvé que c'était de la pub. Moi, j'ai trouvé que c'était à la limite du. Il se foutait de la gueule des gens, mais bon, c'était quand même rigolo. C'est complet comme présentation, comme d'habitude. Il a bien détaillé Banjo, il a montré le respect, comme il fait à chaque personnage, en fait, de la licence, au niveau des animations, du décor, des thèmes, des musiques, du gameplay. Le Banjo a un gameplay aussi bien à lui, encore une fois, comme chaque personnage. Le fait que le décor aussi soit un décor unique dans Smash avec sa rotation à 360 degrés qui modifie les conditions de combat et qui modifie le placement des objets et des personnages, ce qui est pas rien parce qu'en fait il faut s'adapter en permanence. Donc ça c'est très bien. Ouais. Moi j'ai donc bah oui le côté qui est dommage qu'avait leaké à cause de Nintendo lui-même justement là pour le coup là c'est Nintendo qui sait pas faire un copier-coller sur son site internet sur Terry Bogard de King of Fighters en fait ça c'est de Fatal Fury surtout donc à l'air le très peu qu'on l'aperçoit dans le direct d'ailleurs ce qu'il le montre je crois c'est deux attaques son Buster Wolf et son attaque de flamme ça a vraiment l'air hyper respectueux de laisser de King of Fighters de ce qu'est King of Fighters à la base quoi. Donc ça a vraiment l'air super cool quoi. Et effectivement moi je pensais qu'on allait s'arrêter je m'étais dans la tête il ferait que 5 personnages et il passera à autre chose et justement donc et puis non bah Sakurai il s'est pas s'arrêter comme d'habitude quoi quand il est lancé quoi et bah là encore certainement probablement on n'a pas le nombre hein, je crois mais probablement encore on peut se dire 5 personnages qui vont venir alors là la question qui se pose maintenant moi qui m'intéresse beaucoup c'est est-ce qu'ils vont continuer les partenariats avec des entreprises extérieures Est-ce que Nintendo va se servir pour promouvoir ses jeux à venir, que ce soit un Pokémon, un Fire Emblem, n'importe quoi, pour ajouter des persos Nintendo dans Smash? Ça, c'est sur le second, tout est ouvert. Je pense que le premier, vu l'orientation qu'il prend, on peut se dire c'est que des partenaires de boîte. Donc le dernier personnage sera certainement un personnage pas Nintendo encore, premier Fighter Pass. Quoi. Ben, moi, je suis hyper client de Smash, je suis hyper client de ça, quoi. La mise à jour a l'air vachement bien, mais Sid en parlera encore mieux que moi. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il attendait beaucoup qui est finalement arrivé dedans, quand même. Ouais. Je vais en parler après. Donc ça c'est cool. Et je vois en tout cas qu'en termes de suivi, en termes de contenu et tout, comme Sakurai lui-même, il pourra plus jamais refaire ça, quoi. C'est presque impossible. On va finir à combien? À 82, 83 personnages et 115 ou 120 stages. Donc ça devient presque idiot, quoi. Enfin, ah, c'est infaisable ensuite sur ce jeu-là avec les moyens techniques qu'on a maintenant et tout. Je pense que Smash évoluera vers une autre formule à terme. J'imagine qu'ils vont évoluer vers le Power Stone, si je peux m'expliquer ainsi, c'est-à-dire le même formule mais en 3D, quoi, grosso modo, quoi. Donc beaucoup plus complexe à faire et surtout beaucoup plus de travail, donc certainement moins de perso. Mais si Smash évolue, je pense qu'il faut en profiter parce que c'est probablement la dernière fois qu'on aura un jeu aussi généreux en contenu et tout. Tout court, peut-être même, hein, je veux dire, qui regroupe autant de licences. Et moi, ce que je trouve intéressant dans Smash, c'est que ça devient, avec le temps, en fait, une espèce de musée, effectivement, du jeu vidéo, et surtout une démonstration de ce que le jeu vidéo japonais... Alors, bon, on va me dire, oui, mais il y a Banjo et King Carol, oui, mais bon, c'est un fait pas rare sous l'époque Nintendo, et l'autre fait pas rare aussi, mais aussi sous la férule de Nintendo. Mais du coup, c'est vraiment un showcase, en fait, de ce que peut faire le jeu vidéo, déjà japonais. C'est une pub gigantesque sur les univers du jeu vidéo. Enfin, c'est devenu presque un placement produit, je pense, pour les marques aussi. Parce qu'on le voit bien, hein, que dans le direct, on voit à chaque fois qu'il annonce un truc, même dans les costumes, il y a Cross, la licence, machin, avec la musique de la licence derrière, c'est une exposition. Smash est devenu un genre de jeu sandwich pour les autres licences, je ne sais pas si on peut l'expliquer comme ça, mais qui est hyper respectueux justement des licences d'origine, plus souvent que les développeurs, ce qu'ils sont en train de faire actuellement, n'est-ce pas Konami? Du coup, c'est comme ça. Mais du coup, c'est vrai que moi je trouve que ça prend une direction que j'aime beaucoup, beaucoup avec Smash, en fait. Moi j'adore, ça ne me dérange pas du tout de repayer 25 balles pour 5 persos quand je vois la richesse du truc à chaque fois, quoi. Voilà. Ouais, c'est clair. Et puis quand tu vois aussi, enfin tu parlais de la promo que ça fait pour les autres marques, il y a des gens qui ont noté sur Twitter après les annonces de Sakurai, il y a eu un trend Xbox carrément, juste parce que Sakurai a dit voilà, vous voulez jouer à Banjo, jouez-y sur Xbox. Enfin c'est incroyable. Enfin, la portée. Je pense que l'influence de Sakurai, en fait, maintenant est peut-être le développeur Nintendo le plus influent à l'heure actuelle, en fait, à cause du jeu et le fait qu'au Japon, Smash ultra cartonne dans des proportions. Enfin, il a décagné Splatoon dans même pas un an, donc c'est quand même là l'exploit, quoi. Et je pense, en fait, que oui, il est beaucoup, beaucoup suivi par une communauté maintenant. C'est presque un YouTuber, en fait, en faisant ce qu'il faisait là, j'ai l'impression, quand même, maintenant. Ce qui fait, là, ça pourrait s'apparenter à une communication régulière d'un YouTuber. Et effectivement, les gens, après qu'il ait parlé d'un truc, ils vont se renseigner, en fait. Et puis Banjo-Kazooie, effectivement, au Japon, à mon avis, c'est pas connu du tout. Et Xbox, on n'en parle pas. Et du coup, voilà, je pense qu'effectivement, il a une influence sur les marques et c'est pas négligeable, je pense, son influence à terme sur l'achat de certains produits qui peuvent être disponibles. On l'a vu, je crois, avec le héros de Dragon Quest. On a bien vu un jeu DS, pas 3DS, revenir dans le top. Ouais, des Q4 ou des Q5, ouais, c'est fou. Q5, ouais, qui est revenu dans le top à cause de Sakurai quand même. Je me trompe, mais il me semble que le retour du jeu Dragon Quest 5 dans le top, il est plus lié au film, en fait. Ouais. Oui, c'est vrai, t'as pas tort. C'est vrai qu'il y a le film, Il y a le film aussi. Mais clairement, ça se corrélait pile la semaine. Oui, voilà, ils ont fait en même temps. Ouais, voilà, exactement. En même temps, mais c'est vrai qu'effectivement, on voit quand même que Smash a une grosse influence sur les licences auxquelles il touche. Puis ça se voit, les vidéos de présentation des persos Smash, c'est parmi les vidéos maintenant de Nintendo les plus vues sur leur chaîne YouTube et tout. Enfin, tout le monde attend la petite vidéo en synthèse ou de présentation des persos parce que c'est toujours un moment où, déjà, il arrive toujours à troller, c'est incroyable. Dans chaque vidéo, il arrive à troller les gens et les faire avoir, quoi. Il y a des gens qui ont cru qu'il allait présenter la SNES Online à ce moment-là. Alors qu'en fait, t'as eu une croix Smash juste avant, tu fais ça s'arrête sur la Super NES et tout. Mais non, c'est pas ça. Il y a des gens, j'ai un ami qui me disait ah, c'est super, c'est Super NES Online. Mais non, c'est Smash. Non, c'est vrai que, pour revenir justement à l'annonce lors du direct, la vidéo de présentation de Terry, de Terry Bogard, incroyable. Franchement, j'ai pris mon pied. J'adore l'univers SNK, j'adore King of Fighters. Et franchement, quand tu vois ça, d'une, c'est hilarant. Et de deux, franchement, le respect, même au niveau du pixel art, ça reproduit vraiment ce que tu voyais lorsque tu lançais, enfin, j'ai jamais lancé une Neo Geo parce que j'ai jamais les moyens d'en avoir une, mais quand tu lançais voilà, l'émulateur, tu vois, c'est, non, mais quand tu as à la borne d'arcade, c'est, enfin, vraiment, le soin, les, tout, c'est, enfin, franchement, ouais, c'est fascinant. Ouais, c'est extraordinaire. C'est là qu'on voit que Sakurai, c'est un joueur avant tout. Hein. Il a, exactement. Un joueur et un fan, en fait, et qui fait que son travail aujourd'hui et ses qualifications lui permettent d'accoucher de choses absolument magnifiques et qui vont dans le sens du poil, en fait, des joueurs, des fans que nous sommes aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'une grosse partie de sa popularité à Sakurai, c'est qu'il ne salit jamais les licences auxquelles il touche, et donc les fans peuvent, les licences respectives peuvent jamais lui en vouloir, en fait. Et du coup, il est adoré pour ça, je pense aussi. Il aime le jeu vidéo, moi je pense tout simplement. Ouais, c'est ça. Voilà. Il aime ça, oui. Ouais, et du coup, il y a une mise à jour. Alors, il y a quelque chose apparemment que tu attendais beaucoup, Sid. Tu peux nous en parler? Je suis connu pour ça, apparemment. Et oui, il y a eu, dans la mise à jour 5.0, le retour du Home Runs Match. Donc, le but, c'est de taper un sac de sable et de l'envoyer valser au plus loin possible avec une batte de baseball. On a 10 secondes pour lui mettre autant de coups que possible avec son personnage et puis faire la distance la plus lointaine. Voilà. Et moi, j'adore ce mode-là. En fait, à la sortie de Smash Bros Ultimate, il n'y était pas. J'étais vraiment déçu. Parce que, voilà, c'est bien. Comme tu disais, Citan, c'est un musée du jeu vidéo. Et en fait, si, comme le dit Sakurai, c'est aussi un... Je vais faire grincer dehors. C'est aussi un party game, en fait, un Smash Bros. C'est-à-dire que parfois, il y a un mode aventure, il y a un mode classique. Et il y a plein d'à côté qui font que, en fait, on kiffe ce jeu pour un peu... de tous les profils de joueurs, en fait. Et moi, j'adore les à côté de Smash. Et à la sortie, il n'y avait pas le Home Run Smash, il n'y avait pas le Target Mode. C'était un peu la douche froide, un peu, de ce côté-là, pour moi. Peut-être le moins fourni en termes de mode annexe que vis-à-vis des autres, en fait. Donc là, le Home Run Smash, bah, il est revenu, et je suis content, et je suis déjà en train de faire monter le total de mes points, de mes kilomètres, de sacs de sable éjectés à l'autre bout du stade. Et puis l'animation, elle est super jolie en plus. Je sais pas si vous avez vu. C'est vrai. Oui, et en plus, il a dynamisé le truc avec des angles de caméra. Quand t'as monté le pourcentage, ça fait une contre-plongée sur le sac de frappe qui s'est. Exactement, voilà. C'est assez hyper marrant. Donc moi, voilà, j'étais plutôt content. Et puis, un autre point, c'est je suis vraiment surpris de la sortie, en fait, relativement proche de Terry, en fait. Ouais, parce que c'est novembre 2019, c'est ça? Ouais, moi je m'attendais, quand je voyais au début, c'était Banjo-Kazooie automne, je m'attendais à un quatrième personnage au mois de janvier-février, et puis le reste, le dernier au mois d'avril, etc. Là, en fait, ils enchaînent, voilà, on va être servi pour... tout au long de la suite. On peut corréler ça, je pense, au fait qu'il y ait le deuxième Fighter Pass qui suive, en fait, derrière. Du coup, je pense qu'il doit avoir un planning de précis maintenant, et il faut que ça enchaîne pour que le deuxième arrive et que ça traîne non plus pas trop, je pense, derrière. Donc là, on va en avoir vraiment régulièrement. Par contre, je sens déjà monter les embruns salés de ceux qu'on a marre de voir des présentations Smash dans les directs. C'est pas fini, apparemment, quand même. Ouais, après, voilà, pour rebondir là-dessus, ils ont été intelligents. C'est-à-dire que maintenant, ils te font un petit briefing de... Allez, une minute maximum, et puis après ils te disent allez, rendez-vous à la fin du direct pour... moi je pense que Nidano il a raison de faire ça, c'est vrai que là on voyait à la fin du direct, moi je l'ai regardé très en diagonale, hein, voir Sakurai qui joue avec deux manettes, bon ça plaît à certains, mais bon moi je suis pas client de ce vidéo, donc si ça durait dans un direct en entier comme on l'a eu en E3 2018 qui a fait... qui a fait beaucoup écrire, hein, ce côté patch note direct, comme ils l'appellent certains. Ouais. Voilà, c'est pas plus mal, ils gèrent vraiment bien leur com, en fait. C'est Sakurai maintenant qui gère la com de Smash. Ils lui ont donné les clés, ils ont dit fais-toi plaisir, tu parles, voilà, tu as une exactement. Caméra, tu as des rires, et voilà, tu fais ce que tu veux. C'est ça. C'est vrai. C'est quand même le seul développeur au monde qui fait une présentation qui est capable de dire je mets les manettes à gauche et à droite plutôt qu'en haut bas, sinon on appuie sur les gâchettes. Quoi. Mais t'es fou de faire ça? Oui. Pourquoi tu dis des choses comme ça? C'est ça que j'adore. Enfin, voilà, confession, moi j'adore ces présentations. Moi, le 3 2018, je comprends que ça ait fait, c'est crispé des gens parce que c'est vrai que tu regardes un Nintendo Direct, soit pour taper un patch note de ce match, mais enfin, c'est quelque chose que j'adore. C'est vraiment chaque moment, tu vois, chaque petit truc. Tu vois, c'est du sucre pour moi. Et vraiment, c'est super bien que Nintendo ait évolué un peu sur sa manière de communiquer au niveau des directs, parce que bah là, ils ont vraiment enchaîné les jeux. Smash Bros, voilà, on a des choses à vous dire. Hop, on vous lâche la petite annonce, le petit teaser qui va bien. Et puis, si vous voulez plus d'informations, à la fin du direct, vous aurez une autre vidéo et hop. Et au final, quand tu additionnes les deux, t'as un direct qui fait environ 40 minutes plus une présentation de Sakurai qui fait 20-25 minutes. T'as presque une heure de contenu Nintendo. Si t'es vraiment, tu vois, fanatique du truc, bah c'est que du bonheur au final. Oui, voilà, c'est ça. C'est que tout le monde est content comme ça. Parce qu'effectivement, ouais. En 2018, moi j'ai compris que le côté, je vais vous détailler les 60 personnages, en effet, pleurer beaucoup. Moi, j'ai, comme toi, j'adore, mais je comprends par contre que derrière, si on aime que moyennement Smash, bah en fait, non, quoi. Ça, d'accord, c'est un peu long, quoi. Ça, je le pige, mais à 100%. Donc là, c'est le meilleur des deux mondes. Les 25 minutes sur Banjo après, bah si vous voulez regarder si vous avez envie, sinon, mise à jour de Smash, on n'en parle plus, quoi. Tout à fait. Ouais. Bah, on va passer au jeu suivant, si vous le voulez bien. Jeu suivant, donc The Legend of Zelda Link's Awakening. Bon, on en avait déjà vu pas mal, le 3, Treehouse, etc. Ouais. C'est toujours prévu pour le 20 septembre 2019. Et au final, on n'en a pas vu énormément plus. Enfin, je ne sais pas vous si vous avez repéré des petits détails, des choses que... Bon, moi, j'évite de regarder trop non plus, même si bah, ça remonte à loin le jeu, donc je ne m'en souviens plus trop. Et puis, bon, voilà, c'est la vidéo promotionnelle à quoi, 2 semaines de la sortie. Voilà, ça s'arrête là. Je pense qu'ils n'ont pas à chercher. Ouais, j'ai fait pareil que Sid, je n'ai quasiment pas regardé exprès. Donc, voilà. Bah, moi, j'avoue être un peu déçu. Dans le sens où, en fait, depuis le début, je m'attendais à ce qu'ils ajoutent vraiment un gros morceau au jeu par rapport au jeu d'origine. Et il y a l'histoire des donjons que tu peux faire toi-même. Ouais. Mais vraiment, j'attendais un petit truc en plus et je pensais qu'ils allaient drop, je sais pas moi, tu vois, un Force World, un mode online, quelque chose, quoi. Mais malheureusement, non. Donc bon, ça gâche pas le jeu, mais voilà, une toute petite déception par rapport à ça. Ouais, bon, après, voilà... Ça reste, je pense, c'est un remake de moins grande envergure que pourrait avoir, je pense, un épisode salon, tout ça. Donc peut-être. Après, oui, je pense que ce que tu veux dire surtout, c'est que il est beaucoup critiqué pour sa durée de vie. Donc je sais pas, je me rappelle plus du tout. C'est un peu un faux problème, la durée de vie. Ouais, c'est si tu as tapé le jeu 25 fois dans les 25 dernières années, effectivement, finir en 4. Ça, je suis d'accord, totalement d'accord avec ça. Sauf que moi, si je le refais, je sais que j'en ai pour entre 12 et 15 heures quoi, de ce jeu-là. C'est des durées des Zelda 2D à son standard, en fait, quel que soit l'épisode là-dessus. Autant les 3D, c'est la fête entre Breath of the Wild qui est hyper long et Wind Waker qui est hyper court. Mais du coup, voilà. Mais non, là, franchement, pour moi, c'est un faux problème. Si t'es passionné du jeu et que t'es fan, bah, n'importe quel remake de n'importe quel jeu, tu vas le rincer, en fait, en pas longtemps. Genre Shadow of the Colossus, par exemple. Et là, non. Moi, ça fait un petit peu un faux débat, la durée de vie de celui-là. Alors oui, on va d'accord. Plus de contenu, ça je suis d'accord avec un peu Transman là-dessus. Oui, moi j'aurais bien aimé une nouvelle partie d'île qu'on n'a pas vue, quelques donjons supplémentaires, les donjons de la version Game Boy Color pour ceux qui ne l'ont pas fait, ça va être rapide quand même. Donc voilà, oui, c'est. Alors par contre, oui, c'est méga choupi, la musique a l'air, les remixes ont l'air extraordinaires, des qualités. Ouais. Ça respecte à mort le matériau originel de. Ça fait vraiment petite scène de rêve et tout. Enfin, là-dessus, c'est respectueux, ça, je suis d'accord. Mais je peux comprendre qu'on me dise, oui, j'aurais bien aimé un peu plus. Oui, d'accord. Mais la durée de vie en elle-même, je pense que c'est un faux problème. Ouais, non, je suis d'accord. En tout cas, moi, je me le réserve. Je ne vais pas le prendre day one, mais je me le réserve pour la petite dépression d'hiver, là, tu vois, le janvier-février. l'hiver, là, tu vois, chocolat chaud sous la couette. Ça va être super. Pourquoi pas. Du coup, on enchaîne avec... Bah, il y a une petite section encore, Dragon Quest 11 Switch, donc version S. Hein, la version ultime, toujours pour le 27 septembre 2019. Donc voilà, bon courage pour le backlog pour ceux qui vont le prendre, parce qu'apparemment, c'est déjà 100 heures de jeu, à ce qui paraît, 90. Je sais pas, moi, je ne l'ai pas fait, mais apparemment, c'est du lourd. Et il y a déjà une démo qui est disponible depuis quelques temps sur l'eShop. Alors, démo qui apparemment fait 9 heures. C'est aussi long que le jeu. C'est n'importe quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est super cool. D'autant plus qu'on peut garder la sauvegarde, mais c'est limite. C'est proportionnel, tu vois... en fait, à la durée de vie du jeu. C'est le problème, quoi. Ouais, il y a 10% du jeu en démo. Ouais, c'est ça, quoi. Le truc, bah, la démo, c'est le début du jeu. Voilà, c'est clair et net. Voilà, c'est un bon gros début. Le truc qui fait marrer avec cette démo, c'est que en fait, c'est un peu comme si tu sais, dans ton magazine PlayStation de l'époque, on te filait le CD 1 de Final Fantasy 7, on dit voilà, fais-toi plaisir en attendant que le jeu sorte, tu vois, c'est ce niveau de enfin bon, on va pas s'en plaindre, hein, c'est super cool et ah bah non. Ouais. Et du coup, ce qu'ils ont annoncé ou de nouveau, je crois, ou alors je l'avais loupé avant, c'est ce contenu gratuit où tu peux changer les tenues de tes héros. Il y a par exemple la tenue du héros de Dragon Quest 8, pardon, que tu peux faire revêtir à ton héros de Dragon Quest 11. Bon, voilà, c'est sympa, mais c'est du bonus gratos, c'est un peu liable, c'est pas trop grave, quoi. De toute façon, vu le contenu supplémentaire qu'il y a déjà sur la version suite, on va pas pleurer. On va enchaîner avec le jeu suivant, oui. Et là, la surprise, enfin, je pense que personne l'attendait, Tokyo Mirage Session FE Fire Emblem Encore, je sais pas comment le prononcer, peu importe, on est en France, Encore, prévu pour janvier 2020, donc le portage de janvier, ça sera Tokyo Mirage Session. Dans la grande liste des portages, celui-là, c'était vraiment le dernier, je crois bien. C'est audacieux. Par les gens, c'est audacieux, je dis pas que c'est pas bien, mais je dis que par contre, dans la liste de ce qui pouvait sortir entre un Pikmin, un Xenoblade, qui reste un 3D World et tout. Je crois que c'était au niveau de Star Fox Zero, hein, pour être poli. J'adore Star Fox Zero, mais en fait, dans les attentes des gens, je pense que c'est similaire, en fait. Et par contre, ce qui est bien, gros plus, c'est que c'est traduit. Et ouais. Ouais, c'est traduit en français. Et ça fait la différence. Et en français uniquement, c'est-à-dire que même il n'y a pas d'espagnol, il n'y a pas d'italien, non, c'est juste une langue en plus, donc japonais, anglais, français. Ouais, non, ben... Et ça, vous sont les weeb. mais attends, quand même, les chiffres sont là, Nintendo, il le sait, là, ça doit faire peut-être 5 semaines qu'il y a le top 5 de top jeux vidéo, c'est la Switch. Et Nintendo, voilà, oui, je pense que c'est un des meilleurs marchés européens, c'est la France. Donc, ouais, c'est historique d'ailleurs. Tu vois que tu fais 3 semaines Fire Emblem dans le top 5 de la France, tu te dis que bon, ouais. Tactical RPG, ouais, tu fais oui, bon, d'accord. Ouais, en tout cas, moi j'ai hâte. Hein. Franchement, j'ai pas eu la Wii U. Idem. Et du coup, j'ai pas pu faire le jeu. Et c'est vraiment un jeu qui me faisait de l'œil parce que, en plus, bon, on va pas rentrer dans la polémique, mais bon, c'est une collaboration Atlus, développeur des Shin Megami Tensei, dont le spin-off Persona, hein, voilà, le Persona 5 qu'on attend, enfin que certains attendent, et qui n'arrive pas et qui n'arrivera sûrement jamais. Sait-on jamais, mais bon, ben voilà, moi j'ai vraiment hâte de pouvoir m'y mettre à ce Tokyo Mirage Session. Confession semi-troll, ça a l'air moins long et chiant que Persona. Sans commentaire. Après, ça reste. Ouais, c'est du Shin Megami Tensei, donc c'est peut-être. Ah oui, c'est une formule. C'est un autre univers, donc voilà. Sinon, bah, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, apparemment, il aurait les costumes. Des DLC de Wii U qui étaient payants, mais alors est-ce qu'ils seront inclus ou pas? Bon, personnellement, je pense qu'ils seront inclus, hein, il n'y aura pas d'autres bonus, etc. Ça va être une sorte de, encore une deluxe définitive ou que sais-je, ouais. Édition dans lequel on va tout rentrer dedans, et puis voilà quoi. Mais c'est vrai que c'était pas un jeu qui était forcément très attendu en tant que portage lui-même, parce que il a quand même eu son public. Quand on regarde les forums, etc., c'est un jeu qui est plutôt bien plébiscité, malgré le fait qu'il soit sorti tardivement sur Wii U, qu'il soit sorti uniquement en anglais. Voilà, il a quand même son noyau de fans qui le pousse, en fait. Et ça fait vrai que ça fait plaisir de voir ce portage-là arriver sur Wii U plutôt que, je ne sais pas moi, par exemple, Super Mario 3D World, voilà, par exemple. Oui, c'est sûr que c'est un peu plus audacieux, c'est sûr. Voilà, il y a de l'audace et une différenciation du catalogue. Et puis surtout, je pense qu'aussi Nintendo, il surfe un petit peu sur le succès de Fire Emblem Trials. Ouais. Oui, clairement, oui, c'est clair. Et d'ailleurs, ils ont déjà annoncé qu'il y aurait du contenu supplémentaire, donc apparemment une musique supplémentaire. Il y a un personnage de Fire Emblem, j'ai oublié le nom, supplémentaire, et on peut peut-être s'attendre à d'autres personnages. Tiki, là, c'est ça, je crois. Ouais. Tiki, ouais, la dragon de... Quel épisode ? Mais oui, celle de Hawkening, je crois. Oui, tu Fire Emblem, tu dis dragon, c'est bon. Tu vois une fille qui a l'air d'avoir 8 ans, c'est un dragon, tu le sais. Ouais, voilà. physique de 8, âge 1000 ans. Et voilà. Voilà. Et mais on rigole, mais c'est pas ce qui se passe dans Stray Houses, là, avec la... Encore une... Ah là là là là là là. No spoil. Mais je ne spoil pas, mais moi, je te parle. je n'ai même pas le jeu pour te dire. Je oui, te parle de la petite fille qui est sur le trône, là, qui a un visage d'enfant, voilà. Et puis apparemment qui a plusieurs années, beaucoup. Mais voilà, je n'ai pas le jeu. Ok, si ça spoil, je vais pas aller plus loin. On pourra peut-être. Parce que on va enchaîner avant de tomber dans le délire un peu. Voilà. Hein. Alors, et l'annonce suivante, encore une fois, quelque chose que personne n'avait venir. Mais alors, celui-là, c'est vraiment. Enfin, c'était impossible. Enfin, franchement, Deadly Premonition. Ah non, là, non, là, c'est pas possible. Prévu pour 2020. Alors, bon, quand tu vois les images du jeu, j'avoue que moi, quand j'ai vu les premières images, je fais, mais c'est du Telltale, c'est quoi? Et puis après, je fais, oh, ça a l'air joli. Et puis après, tu vois les environnements, tu dis, ouais, ok, d'accord, c'est le petit double A. Voilà, la résurrection d'une licence. Apparemment, alors, j'ai pas très bien compris. Je sais pas si vous avez plus d'informations. C'est vrai, juste une exclue temporaire ou si c'est une exclue définitive, si Nintendo a mis un chèque pour avoir le 2. C'est pas clair. Ouais, c'est pas clair, hein. On sait qu'il est exclusif suite à un trailer qui a été diffusé. Ça m'étonnerait qu'il soit exclusif totalement à la Switch. Je pense qu'il. Disons qu'en tout cas, on le verra pas peut-être avant un an sur les autres consoles, on peut se dire ça, voilà. Mais au moment, on sait pas, c'est pas clair du tout l'histoire. Puis en plus, Swearis 65, qui est le développeur du jeu, il est pas clair non plus sur la question. Ouais, et puis peut-être déjà il est sous NDA, je sais pas. Et puis peut-être que, enfin, je le vois mal se priver du public qui a fait la renommée de son jeu. C'est-à-dire que si c'est, ce jeu-là, il s'est fait par le bouche à oreille. Hein. Pour mettre dans le contexte, c'est une tare technique absolument moche, buggée de partout, etc. Qui est sortie en fin de vie de 360, si je dis pas de bêtises. Oui. Et qui a une tête de jeu PS2 Wii, hein, si tu veux, et du coup. Il est sorti sur Xbox, PS3, il a fait un petit peu son bouche à oreille sur les forums, et aujourd'hui, il est très très bien réputé vis-à-vis de tout ce qui est apparemment scénario, etc. Moi, je ne l'ai pas joué. Hein. C'est du Twin Peaks en jeu vidéo, quoi, grosso modo. Quoi. C'est de l'étrange, mais la langue, en fait. Et à ce niveau-là, c'est réussi. Par contre, il faut se payer la jouabilité pourrie, les graphismes dégueulasses, le framatasmatique, et puis les bugs de dingue. Il faut vraiment avoir la foi, quand même, pour des promotions. Voilà, et d'ailleurs, ceux qui défendent le jeu, ils le disent. Bien, vous savez dans quoi vous vous lancez. Ouais, c'est clair. Au passage, le jeu sur Switch, pas de surprise, dégueulasse. Apparemment, il est même pire que. je trouve ça pas très honnête. Que soit pire, franchement, vu la version que j'avais vue sur 360, c'est super chaud. Ouais, puisque Deadly Premonition, on le rappelle, le premier, donc maintenant sous-titré Origins, ça a été Shadow Drop à la suite du direct et juste à la suite de l'annonce en fait de Deadly Premonition 2, genre bon, on a le 2 en préparation, le 1 vous l'avez pas sur Switch, bah voilà, maintenant vous l'avez, et apparemment ouais, techniquement c'est pourri. Le Swery sur Twitter a dit bon bah ouais, désolé, c'est pourri, il va y avoir un patch normalement qui va sortir. Puis après il a enchaîné en disant oh, écoutez, vous plaignez pas à moi, je suis pas le service client, ouais, excusez-moi, et puis il a relancé la patate, voilà. J'ai trouvé ça assez gonflé. Ah, il y a des couilles, hein, ça. Mais là, il a sa fan base, parce qu'il dit excusez-moi, allez voir, je sais plus qui s'occupe de l'édition ou du portage. Et puis il se tape 2000 likes sur Twitter. Je trouve ça assez dingue, en fait, aujourd'hui, qu'on pardonne comme ça aussi rapidement, pendant que les joueurs, eux, ils essuient les plâtres avec un prix, je sais même pas ce qu'il est vendu combien sur eShop. Je sais plus, une vingtaine. 20-30 euros. 20-30 euros, ouais. Je voulais le prendre, et puis après, quand j'ai vu la gueule du truc, je me suis dit, ça risque d'être bugué et tout. Là, non, j'attends le patch et la promo en fait aussi. mais ouais, non, c'est clair aussi que oui, ce Swery. 30 balles quand même. Ouais, 30 balles. 30 euros. 30 balles, ouais, ouais. Ça fait mal. Je trouve ça quand même limite. Hein. Ouais, c'est limite, ouais, même plus que limite. Enfin, t'as l'impression qu'il arrive sur Switch, comme tu dis, il y a le 2. Ah, au fait, on met le 1, mais. Bon, on a fait copier-coller le code pour le rentrer dans la cartouche et puis dans le jeu Switch, et puis voilà quoi, c'est un peu triste. Et d'ailleurs, c'est intéressant que tu mentionnes la cartouche, puisque une édition physique est annoncée aussi pour ce jeu. Enfin, là encore, on va pas se plaindre encore une fois, mais quand même, enfin, je veux dire, le truc que personne n'attendait, bah voilà, version physique, et ça fait peur, puisque si le jeu est complètement buggé, le patch va sortir, mais il n'est pas encore sorti. Enfin, il y aura quoi dans la cartouche? Ce sera le jeu buggé, du coup, si tu te connectes pas internet, tu tapes tous les bugs, genre le son qui coupe et les trucs comme ça. Enfin, franchement, c'est pas très fin. Pas très fin. Mais au moins, il porte bien son nom. Ah oui, oui, oui, clairement, oui. Il porte bien son nom, Origine. Voilà, vous allez savoir ce que c'est un jeu, une tarte technique. Une expérience totale. Voilà, on l'a pas retouché. On en a même rajouté. Ça sera encore meilleur. Vous avez l'impression parfois que le jeu, non seulement il est pourri sur énormément de points, gameplay, technique, mais en fait, ça en devient même presque une qualité, en fait, pour le décrire. Ouais, bah on va attendre le portage alors de Left Alive aussi. Hein. Ouh là, c'est du lourd aussi. Hein. C'est... tout le reste est pourri. Hein. Autre shadow drop de ce direct, Divinity Original Sin 2 Definitive Edition, donc ce RPG de l'Arian Studio, qui était quand même assez attendu et qui est arrivé avec... Bah, en fait, j'ai trouvé une communication très axée sur la portabilité. C'était vraiment, voilà, maintenant vous pouvez y jouer où vous voulez. Et la fonction qui va vraiment avec, c'est le cross-save avec Steam. Alors attention, cross-save compatible seulement avec la Definitive Edition. Donc si vous n'avez pas la Definitive Edition sur Steam, le cross-save ne fonctionnera pas. C'est vraiment été vendu comme ce jeu où en fait tu vas pouvoir y jouer sur ton PC. Dès que tu sors, tu peux continuer ta partie là où tu vas ou dans ton pieu ou peu importe. Et apparemment, techniquement aussi, ils ont privilégié a priori plus l'aspect portable, puisque en docké, c'est pas jojo, c'est pas injouable, mais apparemment, c'est pas très flatteur. Bon, toujours très sympa d'avoir des jeux comme ça qui sont quand même assez longs, de pouvoir y jouer en portable, en multi avec ses potes. Et puis de continuer sa partie sur PC, quoi. Alors je sais pas, vous l'avez pris, vous aviez joué à Divinity Original Sin 2 ? Non. Et puis ouais, voilà, ça s'arrête là. Je joue plus trop PC depuis un moment, et mais c'est toujours bienvenu. Voilà, c'est encore un jeu qui est bienvenu, qui était presque même très attendu. Hein. Comme tu dis, hein, ça étoffe le catalogue, à la civilisation, un jeu comme ça, comme Civilization, des choses, des jeux qu'on voit pas trop et qui sont bienvenus en fait. Ouais. Mais bon, moi, je sais que c'est encore des heures et des heures et des heures. Je rajoute encore, je sais même plus quand ça sort en fait. Sort quand le jeu là? Mais il est sorti, Shadow Drop. Ah, c'était un Shadow Drop. Ah oui, bon. Ah, ouais. Alors, encore en septembre, voilà. Enfin, on rajoute. Ouais, c'est fou. C'est n'importe quoi. Donc, c'est le gavage. Voilà, c'est un très bon jeu qui est très reconnu par la TPC. Et, ouais. Et qui fait plaisir. Et puis après, je ne sais pas ce qui est de l'adaptation, mais au niveau des contrôles, mais je crois que sur PS4 et One, il est sorti. Les contrôles, ça se passe très bien apparemment, parce voilà. Que oui, il est sorti sur console et les gens étaient plutôt satisfaits. Ils ont fait du bon boulot à ce niveau-là, donc bon. Okay. On va enchaîner petit axe Bethesda lors du direct. Et tout le monde attendait le Doom Eternal, et évidemment. Eh ben, c'était pas Doom Eternal, c'était Doom 64, prévu pour le 22 novembre 2019. Perso, je l'ai pas fait. Et des images que j'ai vues lors du direct, ça a l'air d'être un portage plutôt propre, si c'est des vraies images du jeu, puisque le passage en 16:9 n'a pas l'air d'avoir impacté l'aspect ratio. Les monstres les objets dans le décor ont pas l'air écrasés comme c'est le cas pour le moment sur Doom 1 et 2. Donc pourquoi pas, je sais pas, moi je l'ai pas fait, donc je sais pas si c'est bien, mais peut-être que je me laisserai tenter si le prix est honnête, comme les autres Doom qui sont déjà sortis. Moi c'est non. Ok. Non, voilà. Comme ça c'est clair. Bah non mais voilà, si on continue la série du portage Doom, en espérant qu'il n'y ait pas une connectivité obligatoire, je ne sais quoi encore à la con, qui vient se greffer au lancement du jeu, mais voilà, bon, ça fait plaisir à un public, c'est toujours bienvenu, mais bon, c'est pas mon jeu. Si tant, toi, Doom 64 en 30 FPS à 20 balles, je vais rester poli. Ok, comme ça, c'est clair. Ok, on va enchaîner du coup. Là encore, va falloir rester poli puisque le second jeu le jeu suivant annoncé, c'était Rock Company pour 2020. Non, mais bon, on n'est pas là pour se moquer. Quand même en parler, ça va être un jeu... Alors, encore une fois, j'avais du mal à me dire si c'était de la cinématique ou du gameplay, mais on descend encore d'un avion, c'est du gameplay, on va faire du... Ouais, c'était du gameplay, ouais. Je pense, et du coup, pour le coup, là, techniquement, pour un jeu tiers aspect visuel réaliste, là-dessus, par contre, je vais pas trop le défoncer parce que ça a l'air propre, quand même. Ouais, ouais, alors après, je sais pas si ça tournait sur Switch. Ah oui, ça c'est toujours pareil, c'est très rare. Parce que il me semble que il n'a pas été annoncé ailleurs. C'est la première fois qu'on le voit, non? C'est la première fois, je crois, oui. Mais il est crossplay PS4, Switch, Xbox One et PC. Donc il sort sur tout. D'accord. Donc, bon, qu'est-ce qu'on va y faire dans ce jeu-là? J'ai pas trop intéressé au segment, mais. Voilà, c'est des teams contre d'autres teams. Ah non, je crois que t'as des missions en coop, en fait. De ce que j'ai des missions coop, c'est... Ouais. Ça ressemble au jeu de Mercury Steam qui était en bêta sur Xbox, là, un truc de multi coop compétitif en même temps qui fera le meilleur score et tout. Donc, Bon. Direction artistique assez commune. Assez mouillé, ouais. Ouais, c'est... Enfin, voilà, ça soulève pas des montagnes, quoi. Donc, Avec une image de présentation avec des vrais gens déguisés en. C'est horrible, ça. Pas osé aussi, mais bon. C'est horrible. On serait revenu au temps des jaquettes Famicom, quoi. Non. Ouais, exactement. Ça m'a fait mal. Tu sais, ces jeux mobiles, tu sais, les clones jeux mobiles chinois, Asie Sud-Est, là. Enfin, non, c'est pas possible. Enfin, bref, un nouveau jeu, c'est toujours bien. Et sans transition, on va passer à un gros morceau du direct. Enfin, un gros morceau relativement gros, puisque c'est la partie Pokémon épée, Pokémon bouclier. Toujours prévu pour le 15 novembre 2019. Et étant donné que j'ai pas trop suivi, j'avoue que je vais laisser Sid en parler. Je pense que tu t'y connais mieux que moi. Alors, je sais pas si je m'y connais mieux, mais en tout cas, j'ai suivi le direct et puis les dernières vidéos qui sont montrées. Donc, concrètement, là, la vidéo, elle s'est axée sur la personnalisation de notre avatar qui, contrairement aux anciens opus, c'était qui était cantonné qu'au haut ou au bas, c'est-à-dire on changeait le pantalon ou le t-shirt. Là, on va pouvoir changer les gants, le chapeau, on va pouvoir ajouter un manteau, on va pouvoir aller chez le coiffeur et changer ses yeux, etc. Je pense que c'est une bonne chose parce que Pokémon, voilà, c'est on devient le maître de la ligue. Pokémon, on nomme son avatar au début. En fait, quelque part, c'est nous qui faisons l'aventure, etc. Donc, la personnalisation, c'est encore une fois vraiment quelque chose attendu par les gens pour un petit peu se ressentir soi-même le dresseur, quoi, ou la dresseuse pour les filles. Ensuite, on a enchaîné avec le Pokémon Camping où on pourra planter notre tente dans un peu partout dans l'aventure, jouer avec ces Pokémon pour qu'ils deviennent plus forts en combat. Oui, et puis il y aura ce Pokémon Camping qui sera disponible également avec en ligne et on pourra visiter d'autres tentes des autres joueurs pour aller jouer avec leurs Pokémon, etc. C'est un petit peu les à côté Pokémon. On peut ou pas être intéressé par ça, c'est toujours quelque chose qui fait plaisir. De ce côté-là. Et puis, troisième point, on a vu le Curidex. alors là, concrètement, on pourra cuisiner son curry. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On mettra un peu d'ingrédients, alors il y a un peu de tout hein, dans le curry. On pourra ajouter des saucisses, et puis on pourra ajouter les baies. Les baies, c'est quelque chose qui est assez récurrent dans Pokémon qui est apparu. Dans Or et Argent, et puis il y aura un Curidex, donc toute une liste de recettes de curry à découvrir. Il y en a plus de 100 au total. Ça me fascine. Ouais, non mais alors après on sait pas trop, ça n'a pas trop expliqué à quoi ça va servir, mis à part dans la vidéo qui disait que devenir le maître de l'art du curry. Voilà, donc je sais pas comment le prendre, mais pourquoi pas. Quelque part, ça me fait penser un petit peu à la cuisine dans Breath of the Wild. C'est tout. Ouais. Voilà, c'est... Et puis, on a fini par l'annonce de Pokémon, le Poltergeist, donc une sorte de fantôme, de thé noir qui est dans une tasse de porcelaine. Et puis, Nigosier, un oiseau qui, une fois qu'il utilise Surf ou Plongée, une attaque de type eau, et ben il ressort avec un poisson ou autre chose dans le gosier. Et s'il se fait attaquer, il le recrache sur son adversaire. Donc, pour résumer, bon, concrètement, c'était une petite vidéo pour dire on avance, Pokémon est toujours là, n'oubliez pas qu'il sort le 15 novembre, et puis je pense qu'on aura encore d'autres trailers avant la sortie pour accentuer la machine à marketing. Accélérer la machine à marketing. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de ce qui va arriver au Pokémon. Est-ce que Déjà, est-ce que c'est un jeu que vous attendez? Est-ce que c'est ou est-ce que vous, ce qui vous voyez, ça vous donne envie? Est-ce que oui ou non, ou alors vous en foutez complètement du curé? Moi, enfin, ça me donne vraiment de plus en plus envie. Plus j'en vois, plus j'ai envie de le faire. Et puis en plus, les Pokémon, je suis un peu toujours de loin, c'est-à-dire que je saute des générations, etc. Parce que sinon, c'est l'overdose. Et celui-là, je l'attends. Et puis même si au début, d'un point de vue graphisme, j'étais un peu en mode ouais, plus je le vois, plus je le trouve sympa. Toutes ces idées, moi, je sais pas trop à quoi ça va servir, par exemple, ce Curidex, mais j'ai envie de savoir. Donc, moi, je pense que je vais me laisser tenter. De toute façon, j'ai déjà prévu, avec les tickets de l'abonnement online, d'en garder un de côté pour Pokémon, parce que c'est un jeu que j'aime bien lancer en session. Donc, toujours avoir sur ma console. Je sais toujours pas quelle version je vais prendre, mais ouais, moi, ça me tente. Et ce qu'on a vu lors du direct, je dirais pas que ça m'a convaincu, parce que j'étais déjà convaincu, mais ça me hype encore un peu plus, ouais. Donc, j'y attends. Je sais pas si t'es en toi Pokémaniac ou Pokédeg. Moi, Pokémon, j'en ai fait beaucoup quand j'étais plus jeune. J'ai commencé avec le premier sur Game Boy. J'en ai fait pas mal jusqu'à arriver à la GBA. Après, j'ai fait comme toi, j'en ai sauté quelques-uns. J'ai acheté Pokémon Let's Go Evoli. J'ai pas encore lancé. J'ai pas eu le temps. Et du coup, je pense que pour celui-ci, je vais passer un peu mon tour, en tout cas cette année. Enfin, je le ferai, mais peut-être l'an prochain, en fait. Je verrai. Parce que là, c'est compliqué au niveau du planning, quand même. Okay. Ouais, faire des choix. Et vu que c'est pas un jeu Pokémon à 5 heures. Pour autant, citant, c'est Luigi's Mansion 3, sa plus grosse attente de 2019. Et pour moi, c'est un Pokémon bouclier. Et je pense que, avant même d'avoir y joué, en tant que gros, voilà, il sera le GOTY de cette année, voilà, en toute objectivité. Ah là là là là, ça annonce le GOTY. Hein. Les mots sont lâchés là. Il sera dans le top 5, non, il sera premier. Et ben, le planning, il y a une annonce qui a suivi derrière qui est venue juste détruire le backlog de tout le monde, je pense, parce que c'était quelque chose qui était vraiment attendu. On a eu le droit au petit segment Nintendo Online, puisque ça fait environ un an maintenant que le service est lancé. Et après avoir fait un bref récapitulatif des avantages liés online, il a été annoncé le SNES Online avec 20 jeux sortis hier. Avec une manette, cette fois-ci pour 30€ qui sera disponible vers le 20 septembre, c'est ça? Quelque chose comme ça? À la date, je ne sais pas du tout. Si, ils l'ont annoncé, oui, 20 septembre. Ouais, crois, oui. Ouais, c'est ça. Donc la manette, très rapidement, donc beaucoup moins chère déjà que la manette de la NES Online, toujours sans fil. Elle est moins chère parce qu'il n'y en a qu'une. C'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'il n'y en a qu'une. J'avais oublié ce facteur. Et aussi, cette fois-ci, on ne peut pas la clipser en mode Joy-Con. Pour des raisons évidentes, parce que maintenant, il y a les boutons de tranche. D'ailleurs, il y a les boutons de tranche, donc LR classique de la SNES, mais il y a aussi des tout petits boutons façon Joy-Con ZR et ZL qui vont permettre tout simplement la navigation dans le menu et de l'utiliser comme, je suppose, une manette classique comme le Pad Pro, j'ai envie de dire, sauf que bon, là, il n'y a pas les joysticks. Et une liste de 20 jeux. Et quels jeux? Alors, bon, Brawl Brothers, Demon's Crest, et celui-là, Dieu seul sait qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendaient. Joe and Mac 2 Lost in the Tropics, Kirby's Dream Land 3. Assez marrant celui-là, parce qu'il est sorti super tard dans la vie de la SNES. Je crois que la 64 était déjà sortie quand il est sorti. Pas 97 ou un truc comme ça, lui? Ouais, c'est n'importe quoi. Star Fox, donc si vous aimez les shooters à 5 FPS. Super, non bon, c'est quand même légendaire, mais c'est vrai que c'est un peu dur d'y jouer aujourd'hui. Super EDF, Earth Defense Force, hein, rien à voir avec l'électricité, et rien à voir avec le Earth Defense Force qu'on connaît aujourd'hui, qui est un truc à pied où tu tires sur des fourmis géantes. Super Mario Kart, on kiffe. Super Mario World 2, Yoshi's Island. Super Mario World 1, évidemment. Super Puyo Puyo 2. Ça, je trouve ça sympa. Un bon petit biscuit. Super Tennis dans la version occidentale. Et au Japon, ils ont le Super Family Tennis, je crois. Celui de Namco. Smash Court Tennis, je crois. C'est... Ouais, Smash Court Tennis en Occident qui s'appelle. Je préfère celui-là. Au passage, ouais. Breath of Fire, ça j'étais super étonné que Capcom ait lâché, mais bon, je pense que, enfin, désolé de l'expression, mais bon, ils ont tiré la chasse dessus, quoi, donc ils s'en foutent. C'est sûr, c'est pas faux, oui. F-Zero, Kirby's Dream Course, donc Kirby, bon, personnage populaire. Pilot Wings, oui. Mais oui, ça, on veut ça, bien sûr qu'on veut. Stunt Race FX, ouais. Stunt Race FX, ça me fait mal quand j'entends ça, mais bon, peu importe. Ouais, Stunt Race FX pour la première fois sur une autre console que la Super Nintendo, et franchement, oui. Bon, pour l'histoire, c'est cool, mais c'est injouable. Enfin, c'est voilà. Comme Star Fox. Ça m'énerve de tourner. Et le problème, c'est quand avant, t'as eu le malheur de toucher à Virtua Racing sur Mega Drive. Pourtant, je vais être gentil, je vais prendre sur Mega Drive, c'était le jour et la nuit. Quoi. Ouais, et en plus, Sega Racing, pardon, Virtua Racing. Qui est en plus dispo en Sega Ages, donc bon, voilà. Super Ghouls and Ghosts, donc on est content, même si bon, encore une fois, là, le framerate, il est pas ouf, hein. À l'époque, l'arcade à la maison, c'était encore le rêve, c'était pas la réalité. Super Metroid, bon, voilà, ça, on le présente même plus. Voilà, c'est juste incroyable de pouvoir y jouer tranquille en portable dans son lit. Super Soccer, super cool, et évidemment at last but not least The Legend of Zelda A Link to the Past. Alors franchement, c'est un gros morceau, on attendait le SNES Online, on disait tous qu'il va arriver pour les 1 an du online, c'est obligé. On imaginait qu'on allait devoir payer peut-être un peu plus cher, et au final c'est le même prix, toujours pareil, donc on est content, et ben voilà, il est là. On avait peur, enfin moi, je me disais, il va arriver, mais je me disais, on sait jamais avec Nintendo, ils vont peut-être nous faire, ouais, vous l'attendiez tous, le Game Boy Online, wouh! Non, Super Nintendo, il est là. Et bah, franchement, je voudrais bien entendre votre avis, parce que là, je fais que parler, mais vous êtes super excités aussi par rapport à ça. Ouais, moi perso, j'aimais beaucoup en fait le NES Online aussi, qui était juste avant, pour des raisons que j'ai pu faire certains jeux que je ne connaissais pas du tout. En fait, j'ai prendre les River City, en fait, les trucs comme ça, les beat'em all d'époque qui sont rigolos, que j'ai trouvé hyper ambitieux et même débilement ambitieux pour de la NES à l'époque. Je me suis dit, j'espère que la Super NES aura également, tu vois, ce genre de jeu qu'on a un peu moins. Et là, pif, des bonnes crestes d'entrée, donc déjà... la dinguerie, hein. Pour ceux qui connaissent pas Demon's Crest, c'est un spin-off de Super Ghouls and Ghosts. La différence, c'est que ça vaut 120 balles d'occasion en cartouche. Donc déjà, vous oubliez l'idée de l'acheter, vous êtes content que ça arrive gratuit dans le Super NES Online. Hein. Donc, gratuit, gratuit entre guillemets, je me comprends. Si on est abonné en ligne, de toute façon, c'est gratuit. Voilà. De toute façon, on peut pas y jouer autrement. Donc voilà. Donc en tout cas, c'est vachement cool. Je trouve la sélection bien variée, justement. C'est cool qu'il y ait des jeux tiers un petit peu comme ça, un petit peu moins connus qui sortent. Les EDF, les trucs comme ça, les Puyo Puyo, ça permet d'y jouer. Ça, c'est vachement bien, par contre. Donc, bon, les jeux FX, effectivement, on s'en serait passé, mais bon, tant pis, ils sont là, c'est pour l'histoire, on va dire, c'est pour la science de les faire une fois. Et ce que je trouve vachement bien, c'est que ça va permettre à pas mal de gens, justement, de découvrir des classiques, des trucs un petit peu à part. Là, pour le coup, quand t'as l'abonnement, pour rien, dans des versions qui sont d'après les retours que j'ai testé et des retours que j'ai de l'émulation qui est vraiment nickel. Alors il y a toujours le débat de oui, Zelda, on aurait pu aimer la traduction en français. Non, mais c'est bon, Zelda, il y a 3 lignes de dialogue. Donc Zelda, Link to the Past, quoi. C'est, elle va chercher la princesse. Regarde ici, ouais, Ganon, il est méchant. Super. Donc okay. Bon, on va passer à autre chose. Hein, donc c'est pas trop grave. Ça peut être plus chiant dans Breath of Fire. Je suis d'accord, Breath of Fire en anglais, ce sera plus compliqué déjà. Là, je suis d'accord. Là, je peux bien entendre les critiques. Mais bon, c'est vraiment un service cool. Qui, avec ces mises à jour, qui même si elles ne seront plus mensuelles, parce qu'ils ont annoncé qu'il n'y aurait plus de mise à jour mensuelle des deux services, mais irrégulière, donc on peut s'y attendre peut-être à une fois tous les 2 mois ou des choses comme ça, au moins on aura toujours du contenu qui va arriver, donc on va avoir quand même, je pense à terme, une bibliothèque solide sur ces deux machines-là, à voir ce qu'ils feront pour les machines suivantes. Mais en attendant, pour la Super NES, c'est ce qu'on espérait, c'est là, les gens sont super contents des retours que j'en vois. Il y en a déjà qui ont un backlog de fou et qui refont des Super Mario World, hein, directement, ça, bah voilà, quoi, c'est le piège, comme d'habitude, quoi. Tu relances 5 minutes, ouais. Tu fais, ah, ça se peut jouer quand même, ouais, t'en es au monde 4 déjà, ouais, d'accord. Donc voilà. C'est tellement addictif, ça va permettre à des membres du conseil ici présents de découvrir la Super NES, c'est pas mal non plus. Donc ça va vraiment être cool, quoi. Et ce qui est vachement bien, c'est, je trouve, c'est que Nintendo a enfin permis de virer cette foutue barre de commande en bas. Et ça, c'est bien. Ouais. Enfin, quoi. Il aura fallu 1 an, comme d'habitude, mais c'est fait. on attend le mapping des boutons. Voilà, par exemple. Ouais, mais ça, ce sera dans septembre 2020, ouais. Je pense qu'on aura. Voilà, il ne faut pas trop les pousser. doucement. Donc voilà, donc moi, super content de l'annonce. J'ai pu essayer vraiment hier soir, en fait, l'émulateur. J'ai joué une heure écart. J'ai arrêté parce que sinon, adieu Fire Emblem la fin, donc j'ai fait non. Et c'est vraiment, ouais, c'est ce que j'espère. Et puis il fallait enregistrer le podcast aussi. Hein. Et voilà, il faut enregistrer le podcast Fête un peu en forme. Donc du coup, c'est vraiment, c'est ce qu'on espérait, c'est bien, c'est pas plus cher que ce qu'on paye déjà. La sélection est cool, là, il n'y a pas à se plaindre. Quoi. Ouais. Et toi, Sid? Bon, écoute, oui, très content. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Le fait de ne pas payer de plus, c'est bienvenu. J'étais presque même prêt à repayer encore plus pour essayer pour la première fois quasiment tous les jeux SNES. Maintenant, ça arrive sans frais supplémentaires, donc je dis oui. J'ai essayé Super Mario World, j'ai commencé. Et je suis déjà au monde 3, voilà. Difficile de... On se lance et puis on se dit, allez, une partie de plus, un petit niveau de plus. Et puis en fait, ça joue vraiment tranquillement. Je crois que je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Voilà, je suis content. Bon, après, on verra le rythme avec lequel les jeux arriveront. Ah si, je dirais peut-être une chose, c'est que quelque part... Avant, on payait sa ROM entre 6 et, en fonction de la console, entre 8 à 10 euros peut-être. Même enfin, en fonction de la console, je ne sais plus, je crois qu'un jeu Super SNES, par exemple sur Wii U, je ne sais plus c'était combien. Par exemple, 8 euros peut-être. C'était pareil que sur Wii, c'était 8 euros, c'était 5 euros la NES et 8 euros la Super. Bon, voilà, aujourd'hui, on n'a pas le jeu à proprement pour nous, mais en payant un abonnement de 20 euros par an, voire moins avec l'abonnement familial... les bons Fnac et Tetris 99. Voilà, Super Mario Maker, etc. Tout ça. Enfin voilà, on a une bouchée de pain. Et quelque chose que beaucoup de monde, je pense, attendent. Un catalogue virtuel des consoles rétro de Nintendo. Et pour, en fait, j'ai envie de dire une bouchée de pain, quoi. Puis en plus, ouais, il y a ce. Enfin, moi personnellement, j'ai toujours été un peu. Critique vis-à-vis de la console virtuelle parce que je trouvais les prix un peu fumés puis les options pas ouf etc. Là bon je dis pas que c'est parfait mais il y a de l'amélioration et c'est cool d'avoir bah voilà comme ça 20 jeux t'as d'un coup dans la tête en plus bah, une bonne sélection, une sélection variée, des choses à découvrir etc. C'est super cool et puis maintenant bah il y a le believe, il y a le believe des jeux SNES qu'on attend, qui pourrait être ajouté. Alors, on sait que pour les jeux Nintendo, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. On imagine qu'à terme, par exemple, on verra du Super Punch-Out arriver. Qu'en est-il de Super Mario RPG ? Ça, je ne sais pas, parce que c'est Square Enix aussi, mais je pense que c'est possible. Est-ce qu'on aura, je ne sais pas moi, Chrono, par exemple ? Ouais. Il y a beaucoup de gens qui le veulent. Et, Final Fantasy VI ? Alors ouais, Final Fantasy VI... voilà, il y a les Dragon Quest aussi. Bon, Final Fantasy et Dragon Quest. Ça va être une question de droit, de toute façon, encore une fois. Pas être une question de droit, ça va être une question de si les éditeurs veulent continuer leur concept de compile rétro en ce moment. C'est surtout ça. Est-ce qu'ils veulent pas se faire du fric dessus? Konami, par exemple, je pense qu'on va avoir du mal à avoir certains de leurs jeux. Non, c'est mort. Contra 3, c'est mort, en fait. Ça, c'est sûr, parce qu'il est dans une compile et je pense que Konami, mais ni Dev ni Dadan, ils le mettent. On l'a bien vu pour les Castlevania. Ce qui s'est passé actuellement sur la NES. Donc je pense qu'en fait il y a certains gros éditeurs, les Megaman on oublie aussi, hein, Megaman X ils sont chez Capcom donc à mon avis les Megaman c'est mort. C'est mort aussi, donc je pense qu'il y a certains trucs qu'il faut s'attendre. Street Fighter c'est mort aussi, c'est en compile. Il y a des jeux qu'il va falloir en fait faire leur deuil, mais c'est peut-être dans un sens pas plus mal. Street Fighter, bon bah Street Fighter 2 serait toujours cool, mais bon il est en 14 versions disponibles sur 14 supports, rien là, par contre pour le coup c'est pas trop grave et ça va permettre de sortir, comme disait Trustman, ça leur fait sortir Demon Crest du catalogue. C'est bien parce que Demon Crest personne ne peut y jouer à l'heure actuelle, donc c'est plutôt bien, enfin par voie légale j'entends, c'est plutôt bien en fait que ça se fasse comme ça, je trouve. C'est peut-être un mal pour un bien en fait sur certains trucs. Il va juste avoir un jour sombre pour moi et je vais peut-être me faire des ennemis en disant ça, c'est le jour où Killer Instinct va arriver, s'il arrive. Ouais, mais c'est un jeu que je supporte pas. donc bon. Il y a que les musiques qui sont bien maintenant à sauver dans Killer Instinct. Mais bon, c'était juste mon petit troll, voilà, mon petit troll de la Super. Sans troller les jeux de baston Super NES, ça a quand même sacrément mal vieilli. Hein. C'est clair. On a gagné en fluidité aujourd'hui avec les nouveaux jeux, hein. C'est clair. C'est même pas plus une question de fluidité, c'est qu'en sur en richesse de profondeur de jeu. 5, c'est Mortal Kombat quand même, hein, donc c'est, on va pas se mentir, hein, c'est du jeu de combat américain, je vais me faire des ennemis. Mortal Kombat, ça a jamais été la richesse du combat la plus totale, hein, donc c'est cool parce que c'est gore et un peu décalé, mais en termes de gameplay, c'est quand même pas le fun absolu, quoi. Enfin, c'est rigide, c'est lent, voilà, c'est là où on a mieux maintenant, on va dire, de nos jours, et même avec les derniers Mortal Kombat, c'est sûr que c'est mieux, par exemple. Donc, Après, la console virtuelle, ça reste un plaisir nostalgique, c'est-à-dire que, par exemple, tout à fait. Trustman au début, c'est Tortue Ninja, c'est ça. Donc, si jamais un jour Tortue Ninja arrive sur je ne sais quel console virtuel, voilà, c'est... Ouais. C'est toujours. Tu relances le jeu, tu te dis, bon, moi quand j'étais gamin, j'ai bien aimé. Bon, là maintenant, est-ce que. Voilà. C'est toujours un plaisir nostalgique de revoir ça. Ouais, allez, non, les gens, on croise les doigts, on aura peut-être accès à l'AI de Konami, ils n'en ont plus rien à foutre plus, donc avec du bol, on l'aura peut-être. Ouais. Non mais enfin c'est ça aussi le truc avec la Super NES, c'est que le catalogue est tellement fou, il y a tellement de licences qui ont disparu depuis que enfin il y a tellement de trucs à ressusciter, il y a tellement de choses à redécouvrir ou à découvrir. C'est vraiment, je pense que enfin c'est pas juste, peut-être que j'exagère, mais enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est pas juste bon bah voilà, il y a le SNES Online qui est arrivé, c'est vraiment ils ouvrent les portes des possibles, vraiment encore une fois un enrichissement du catalogue, c'est juste fou quoi. Donc bon, et puis bon, on verra. Faut pas se mentir, hein. Y a des gens qui attendent certains gros jeux encore de la SNES là, qui sont pas sortis, ils faisaient Chrono Trigger et tout, et ils vont voir flou, ça va être une e-rallye, hein. Mais moi j'aime bien une e-rallye justement. C'est bien, ça va les calmer. Par contre c'est cool justement si on peut avoir à la fois ce genre de grands classiques, les Chrono Trigger, les comment dire, les jeux de Square de l'époque, peut-être des trucs qu'on n'a jamais eu comme les Live Alive ou les trucs comme ça qui pourraient sortir dessus. Ouais. Voilà, des trucs même en anglais, hein, de toute façon, on les aura en anglais, mais bon. Les Ogres, les Bahamut Lagoon, etc. Ouais, les Terranigma, les Bahamut Lagoon, des trucs qui étaient sortis comme ça à l'époque, en plus d'avoir à côté des petits jeux qui étaient sympatoches, comme tu vois, là, comme je disais, Unirally, par exemple, le genre de jeu décalé, que des gens ont peut-être oublié depuis le temps et tout, qui permet de varier le catalogue. Je pense que l'important, et c'est ça que la première sélection montre, c'est qu'il va y avoir de la variété. Et ça, je trouve que c'est bien. C'est comme le NES Online, je trouve que c'est bien à ce niveau-là. Ouais, tu sens qu'ils se sont appliqués sur la sélection, ça n'a pas juste été aller un bingo et puis voilà quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Exactement. Mais ça, c'est bien. Ouais. Ok, bah on va passer du coup au second jeu lié quand même au online qui a été abordé lors du direct, c'est Tetris 99 pour une mise à jour. Et une grosse mise à jour quand même. Moi, j'y joue pas beaucoup à Tetris 99 parce que je suis. Moi, j'y joue pas du tout. Mais je crois savoir que toi, Titan, t'es plutôt bon dans la Tetris. Ah, oh, mais t'as combien de Gauthier, toi? C'est pas possible. En plus, dès qu'il sort un jeu un peu de. Déjà, un puzzle réflexion versus t'es mal parti, je vais te mettre en Gauthier quand même. Il y a beaucoup de chances que je le mette. Hein. Moi, Puyo Puyo Tetris, par exemple, de Sega, j'ai 150 heures sur Switch dessus. Donc, déjà, tu vois, c'est déjà pas mal. Alors, Tetris 99, là, la mise à jour qu'ils ont faite pour recentrer le truc, on est sur l'ajout des fameux modes offline qui manquaient, c'est-à-dire les modes de jeu à plusieurs en local, qui sont un mode à 8, donc on joue à 8 les uns contre les autres, plus l'ordi derrière qui fait, on va dire, de la figuration, mais c'est rigolo, parce que du coup, il faut trouver où sont tes potes dans la liste les plus forts et les dézinguer. Ils ont rajouté également, en mode de multijoueur, un mode en fait où on joue à 2 contre l'ordinateur dans une grosse difficulté, là, par contre. Et là, c'est assez intéressant pour développer les stratégies, parce que l'ordi oblige de jouer différemment à Tetris en utilisant les différentes combinaisons, les L-spin et les T-spin, pour pouvoir s'en sortir mieux, en fait. C'est presque un mode d'apprentissage. Et ils ont remis le fameux mode en ligne, le Tetris Invictus, c'est-à-dire là où tous ceux qui ont eu un Tetris Maximus, c'est avoir un top 1. En fait, une fois dans Tetris, ont le droit d'aller. J'ai testé. Ah, il y a du beau de la brutasse quand même là. Là, il y a du mec qui est fort. Là, il y a du mec qui a fait quelques top 1 quand même. Ah, genre, j'en ai sué pas mal en fait là, dans ce mode-là. Le mieux que j'ai fait, ça doit être 12e pour le moment. Et c'est chaud. Ça rigole pas. Là, il faut jouer à Tetris. Donc, et avec une vitesse de jeu bien supérieure. Le jeu commence en vitesse 5. Tetris, ça a de vitesse de 1 à 10. La vitesse la plus speed, bien sûr, c'est le 10, et c'est les pièces drop toutes seules sans avoir le temps de faire quoi que ce soit. Là, on commence donc à la moitié de la vitesse, donc tu as une pression d'entrée, c'est pas mal, ça oblige à jouer tout de suite intelligemment. C'est très bien. Et ils ont rajouté une fonction que moi, perso, j'adore. Ils ont mis des petites missions, c'est-à-dire que tous les jours, on a des petites missions quotidiennes dans Tetris, 5 KO en online, finir un marathon contre l'ordi, faire des T-spins, je ne sais quoi. Ça débloque des tickets, et ces tickets permettent d'acheter des thèmes avec gratuits, enfin, qui sont gratuits, du coup, débloquer des thèmes. Et il y a des thèmes thématiques de Nintendo, Zelda, Mario, Donkey Kong pour le moment, et des thèmes thématiques Tetris, pour varier la skin quand on joue, la musique en plus derrière qui est complètement différente. Donc là, c'est quand même super appréciable. On reste quand même sur un suivi de jeu pour un puzzle game réflexion versus qui est vraiment, à mon sens, exemplaire pour le moment. Et j'invite les gens qui ne l'ont pas, si vous aimez bien Tetris, vous avez envie de redécouvrir Tetris, à prendre la version boîte à 23€ sur Amazon. Ça vous fera un an d'abonnement online à 3€. Et, ou alors Tetris à 3€, vous le voyez comme vous voulez. Et c'est super, super sympa. Comme ça, ça permet. Ouais, parce qu'il y a le DLC compris dedans en plus. Hein, les DLC sont compris dedans sur la cartouche. Également, en plus, on a donc un an d'abonnement online, ce qui permet d'avoir la Super NES, la NES et Tetris, le tout pour 23€ la première année, ce qui est là vraiment une super affaire à mon sens. Donc ouais, pour moi, c'est une surprise de l'année. J'adore ce genre de jeu et le concept du Battle Royale dans Tetris, je trouve vraiment excellent. J'aurais jamais pensé à ça et c'est trop bien. Enfin, moi, j'adore. Ouais, alors du coup, moi, j'ai une question un peu. Bon, j'imagine déjà la réponse, mais juste d'un point de vue technique, est-ce que vous pensez que si on achète la version boîte, donc il contient les DLC, est-ce qu'il y a moyen ensuite de juste lancer le jeu avec la version qui est dispo que online et quand même profiter des DLC? Est-ce qu'il y a une installation de quelque chose qui permet, vous pensez que c'est possible ou c'est mort? Je pense que ça va être la même, je sais pas en fait, parce que le truc c'est qui va se passer, c'est que vu que là Tetris maintenant il doit correspondre toutes ces mises à jour compris à un fichier sur l'eShop, je pense que c'est exactement ce fichier qui est sur la cartouche après, je pense que c'est le même hein, c'est une image de ce fichier là. Après je pense que tu peux profiter comme ça à la question est, est-ce qu'ils n'ont pas séparé les sauvegardes par contre? C'est ça la question. Ouais. Ça, ils sont capables d'avoir mis une sauvegarde physique et une sauvegarde des maths, comme certains jeux Switch. Et ça on ne le saura pas avant que le jeu sorte. Ouais, enfin bon, c'était juste une petite question comme ça, je me demandais. Ouais. Parce que c'est vrai que bon, pour jouer à Tetris 99, l'avoir en cartouche, enfin personnellement, moi, ça me fait chier de changer de jeu. Donc l'avoir en cartouche, c'est un peu chiant, mais en même temps, vu qu'il y a l'offre online avec, etc., je sais, c'est super tentant de le prendre sous cette forme. Bah oui, oui, mais je comprends. Hein. Puis moi, j'ai déjà réservé dans ma bibliothèque une place, j'ai viré 4 jeux Breath of the Wild et pour le. Waouh! Là, c'est des trolls, j'ai mal entendu. Sujet suivant. Je l'ai, et le pire, c'est que je l'ai acheté en cartouche. Bah, un vrai fan. Un vrai fan. Bah, sujet suivant, je sais pas si on va s'apesantir dessus. Moi, pour celui-là, je pense c'est pas virer Breath of the Wild ou quoi que ce soit. C'est Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Oui, là, ouais. Oui, toujours prévu pour le 8 novembre 2019. Donc, encore une fois, ils ont présenté les activités un peu à partie game sport qu'on pourra faire dans le jeu. Il y aura un mode story qui nous envoie dans le monde des JO de Tokyo de je ne sais plus quelle année, dans les années 60. C'était peut-être 68 ou quelque chose comme ça. Oui, tout en pixel art. Ouais, tout en pixel art, entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais bon, peu importe. Donc, on a le Mario de Mario Bros et le Sonic, de Sonic, forcément Mega Drive, ce qui est toujours un peu bizarre comme décalage, mais je trouve le rendu super sympatoche. Le jeu a l'air super marrant dans le côté party game, mais bon, voilà, c'est pas le jeu que j'attends, on va dire. En vrai, ça a l'air d'être un. En plus, moi, ce qui me surprend, c'est d'être de ce que j'en aperçois le meilleur de la série. Donc, ça va être très dur. Désolé aux fans de la série, quand même. Mais je pense que ça va être un bon party game bien amusant pour les fêtes. Je comprends juste pas la date de sortie. Mais c'est vrai. Pourquoi ça sort maintenant et pas l'an prochain? C'est incompréhensible. Mais c'est bon. Là-dessus, ça doit avoir une histoire de. Comment dire, de partenariat avec Sega qui peut décider à moitié de la date ou un truc comme ça, je sais pas. Et vu que c'est Sega et qu'ils savent faire n'importe quoi dans les dates, c'est pas surprenant. Ouais, puis en plus, il n'y a pas le jeu officiel des JO qui sort. Non, qui lui sortira en 2020. C'est compliqué, à mon avis, cette histoire. Ouais. C'est bizarre. Bah, au moins, voilà, pour ceux qui auront quelques grammes dans le sang pour les fêtes. C'est ça, en fait, les JO de Tokyo commencent en été. Je vois pas le jeu sortir après les JO au mois de novembre 2020. Donc en fait, ils anticipent juste avant cette sortie-là et ils profitent de l'effet Mario. Ça aurait pu sortir en juin. Oui. Parce que le jeu officiel des JO, il est sorti déjà au Japon. Là, lui en fait, le vrai jeu officiel que fait Sega, il est sorti un an avant. Je ne comprends pas. C'est bizarre. Ouais. Ils doivent savoir quelque chose. Peut-être que Breath of the Wild 2 arrive. Juste pour les JO, en fait. Ils savent pas grand chose. Hein. C'est, à mon avis, c'est du pif, hein, comme d'hab. Le stagiaire s'est trompé dans la date. Bon, chez Nintendo, on n'est pas mieux lotis. Un jeu par semaine au mois de septembre. Donc, c'est pas mieux à ce niveau-là non plus, on est bien d'accord. Je sais pas ce qu'ils ont fait là-bas chez Nintendo Europe. Mais... Non, après, Mario et Sonic, ça reste quand même, je trouve, une bonne proposition party game, comme tu dis, sans. Et puis, c'est un. Ouais. Je trouve que Sega a fait du bon boulot, en fait, et c'est vraiment... Faut être client, moi je le suis pas, mais voilà, ça fait plaisir au catalogue. jeu suivant, un jeu qui me tient beaucoup à cœur, c'est Daemon X Machina ou Daemon Cross Machina, je sais pas trop comment l'appeler, puisqu'il y a une nouvelle démo qui a été annoncée. Alors je vous rappelle, le jeu sort le 13 septembre et il y a une nouvelle démo qui propose de jouer les 10 premières missions, je crois, avec évidemment sauvegarde transférable dans la version pour la version complète, aussi du multijoueur mais local seulement, tout simplement pour pouvoir tester. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la com, Nintendo a bien dit, c'est un jeu d'action de robots, et si vous n'avez jamais joué à ce genre de jeu, et téléchargez la démo et testez-la pour voir si ça vous plaît ou pas. Et j'ai trouvé ça ils sortent une démo, donc forcément, tu la pousses un peu, mais j'ai trouvé une espèce d'honnêteté dans la façon dont ça a été présenté. C'est vraiment genre... peut-être que vous allez aimer, peut-être que vous n'allez pas aimer, testez, et puis voilà, au moins, vous ne dépenserez pas votre argent pour rien. Et je trouve ça vachement positif. C'est bien parce qu'en plus, ils savent très bien que c'est un genre de jeu de niche. En fait, ils savent très bien qu'il y a un public qui aime les mécas et les autres, ça va être dur quand même qu'ils accrochent quand même à ce genre de jeu. Et donc, la démo, là, qui est, comme tu dis, qui fait 10 missions, je crois. Je me souviens plus. Je crois que c'est ça. 10 missions. Et que ce que j'ai testé, j'ai fait les 4 premières. T'as largement le temps de voir si t'aimes ou pas, franchement. Et là, c'est vachement bien. Sans compter que gros progrès technique par rapport à la démo précédente, quand même. C'est plus net, fluide, plus de pêche, le gyro. Tout ce que les gens ont plus ou moins dit dans faire monter dans les enquêtes là, de la première démo a marché. Et moi, je suis pour, quand c'est des genres de jeux de niche comme ça, qui fassent ce genre de type de développement. En fait. Ouais, et puis les fans, ils n'ont pas demandé à changer la fin, si tu vois ce que je veux dire, contrairement à d'autres jeux. Là, ils ont demandé juste des améliorations d'ergonomie et de gameplay, quoi. C'est bien, c'est positif quand c'est comme ça. Ouais, c'est positif. Après, il faut quand même dire que comme t'as dit, c'est un jeu de niche, ça s'adresse à un certain public. Quand tu lances le jeu, c'est super classe, mais tu sens que derrière c'est assez séco, c'est-à-dire que t'es pas par la main, t'es vraiment, t'as les lignes de dialogue. C'est assez aride, mais bon, comme je dis, tu vois les trucs de méca comme ça, truc débile où t'as des robots de 4 mètres, tu leur mets un lance-roquette, un fusil dans chaque main et un sabre où tu peux le mettre, quoi. Enfin, c'est bon, moi j'achète les yeux fermés, tu vois, j'en ai rien à faire. Ça c'est prévu pour le 13 septembre, il y a la démo, donc si vous hésitez, si vous avez peur, téléchargez la démo, essayez-la. Toi, si t'es pas trop client, non, de ce genre de jeu J'avais jamais joué à un genre de jeu comme ça. J'ai bien envie de l'essayer, mais encore une fois, le planning fait que je me tournerai vers des choses qui sont plus à ma portée actuellement, puis peut-être l'année prochaine. J'essaie. En tout cas, t'as une démo qui est dispo dès maintenant. Si t'as 10 minutes à tuer un moment. J'avais déjà joué, j'avais joué à la première, j'avais bien apprécié, mais c'est pas une priorité pour l'instant. Et du coup, on va enchaîner sur le jeu suivant qui a été Star Wars Jedi Knight de Jedi Outcast, prévu pour le 24 septembre 2019. Bon, celui-là, personnellement, je l'attendais pas. Je sais pas si vous l'attendiez, mais bon. C'est un peu le moment, personnellement, un peu le moment OSEF de la conférence. Disons que c'est le début du moment OSEF de la conférence, en fait. Ils enchaînent des trucs, soit qu'on sait déjà, soit quelques rappels, en fait, qui ont été brassés plusieurs fois. Et là, on va passer sur des trucs un peu moins, un peu moins aguicheurs, quoi. Mais néanmoins, quand même, un point que je voudrais souligner, alors je suis pas totalement au fait de la gestion des licences autour de Star Wars, mais il me semblait que c'était compliqué, mais le fait que ça ressorte, est-ce que ça laisse pas une porte ouverte pour d'autres Star Wars? Ça dépend d'IA, là, c'est le problème. Tout simplement, t'as IA derrière. Mais là, c'est IA ou pas qui édite ce jeu-là? Non, c'est Disney Interactive qui a les vieilles licences, en fait. Le problème, c'est que la licence des nouveaux jeux, elle est concédée pour une durée d'exploitation de mémoire de 10 ans, qui a dû commencer, si je dis pas de bêtises, en 2012, par Disney à Electronic Arts pour sortir. C'est pas la peine d'essayer. Pour le moment, il suffit d'attendre, à mon avis, sur cette génération, on fait une croix et on verra la prochaine, en fait, quand Disney va certainement dénoncer le contrat. Donc, voilà. Je crois qu'on s'est pas très bien compris. Parce que quand j'ai dit, est-ce que d'autres jeux Star Wars peuvent venir? Les vieux jeux. Est-ce que d'autres... les vrais jeux. Encore des portages, mais quel portage? Parce que Rogue Leader, désolé. Là on parle, n'est-ce pas? Rogue Leader, grosse claque de la GameCube. Ouais, je sais pas. On peut espérer, mais bon, ils viennent de toucher au CFPC là quand même. Enfin, au CFPC, je suis méchant, j'ai Knight 2, c'est un très bon jeu PC en plus. Mais non, mais disons qu'ils ont touché à un jeu qui pas forcément demandé sur console Nintendo de Star Wars, donc tu peux te dire que peut-être ils vont arriver effectivement à taper dans le vieux, quoi. Là, par contre, comme je disais tout à l'heure, la chance qu'on a, si c'est pour Rogue Leader, c'est que c'est pas dépendant d'IA, quoi. Donc là-dessus, il y a une chance, il y a une vraie chance. Là où dans les nouveaux jeux, par contre, faut oublier. Ouais, et puis aussi les KOTOR, qui sont très appréciés. Oui, tout à fait. Par contre, la jouabilité à la manette de KOTOR, de mémoire, c'est pas grand-chose. Ouais. Mais bon, on verra. Après, enfin... Ouais. Petit aparté, peut-être que tu vois, si KOTOR il le ressort sur PC, bon voilà, pourquoi pas, mais bon, c'est pas Nintendo, donc on n'y touche pas, hein. Ensuite, on a eu encore une fois des images de The Witcher 3, The Wild Hunt, Complete Edition, toujours prévu pour le 15 octobre 2019, donc les gens l'appelleront le Switcher 3, le Witcher 3 du lot, peu importe. En tout cas, pour ceux qui veulent se taper le sorceleur, enfin l'aventure du sorceleur, pardon, en portable, et ben, ce sera possible dès le 15 octobre 2019. Ensuite, on a eu le droit à ce qui avait déjà un peu leaké, c'était Assassin's Creed, même pas leaké, je crois, ça avait été même annoncé comme ça de but en blanc avant le direct, Assassin's Creed The Rebel Collection, donc c'est la compilation de Black Flag et Rogue, je crois, c'est ça ? Oui. Qui est prévu pour le 6 décembre 2019. Donc bon, là j'enchaîne, mais vous m'interrompez s'il y a quelque chose qui vraiment vous intéresse. Dauntless aussi qui arrive, cette espèce de Monster Hunter du pauvre, voilà, le mot est lâché. Je sais pas si c'est bien, honnêtement, j'ai jamais joué et je sais pas si j'y jouerai, mais bon, ça arrive aussi sur Switch. Just Dance 2020, parce que bon, voilà, Ubisoft est toujours là avec son Just Dance, 5 novembre 2019. Grid Autosport, un jeu que j'attends, 19 septembre 2019. Donc là, dans quelques jours, alors on enregistre. C'est clair. Alors on enregistre le podcast, jeu de course de Codemaster, il me semble, la série Grid, qui n'est pas un jeu de simulation, mais c'est pas non plus arcade Burnout, c'est vraiment faut bien conduire, mais c'est pas non plus au réglage de pneus près. Un petit peu de Project Gotham Racing dans l'esprit un petit peu qui est sur Xbox. Ouais, et ben moi celui-là je l'attends vraiment. Alors il a été annoncé que le jeu tournera à 60 FPS, ce qui est super top, alors j'espère que ça sera rock solide. Et les développeurs ont aussi annoncé que la manette GameCube sera supportée. Néanmoins, ils n'ont pas dit si les gâchettes analogiques seront utilisées en tant que gâchettes analogiques. Bon, j'imagine que s'ils intègrent le support GameCube, manette GameCube, c'est pour les gâchettes analogiques quand même, sinon OSEF quoi. Ensuite, il y a eu Farming Simulator 2020 pour le 3 décembre 2019. Bon, moi, je suis pas trop client, mais je sais aussi qu'en Allemagne, les gens aiment beaucoup, donc peut-être ça va booster les ventes de la Switch en Allemagne. Ensuite, Résurrection, ou pas d'ailleurs, de Level 5 avec Ni No Kuni, la vengeance de la sorcière céleste, 20 septembre 2019. Évidemment, il a toutes ses chances de se vendre en septembre entre Zelda et Dragon Quest. Bonne chance. NBA 2K20 qui sort le 6 septembre 2019. Donc 2K est toujours là pour balancer son jeu de basket phare sur la console de Nintendo. Moi j'avais le 2019, je pense pas prendre le 2020, mais le 2019, enfin, ça va, c'était sympa de pouvoir y jouer en portable comme ça. Mais bon, avec les polémiques en plus de machines à sous dedans, etc. Ça fait pas très bonne presse, mais bon, ça a le mérite d'être là. Ensuite, on a eu Call of Cthulhu, édité par Focus Home Interactive, Cocorico, qui sort le 8 octobre 2019. Bon, je me suis jamais vraiment intéressé au jeu. L'acheter surtout pas. Ok, bah merci de ce conseil, si tant. Non, là c'est pas bien du tout. Et pourtant, j'ai un pote qui est fan de la licence, qui l'attendait beaucoup. On l'a fait. On nous a pas remboursé nos heures de vie. Ok. Ah oui. Bon. À ce moment-là. Bah disons qu'il n'y a que les dialogues qui sont bien, tout le reste c'est la purge. Ok, mais c'est long. Disons que c'est techniquement, déjà, je l'ai fait sur PC, hein. C'était déjà, wouhou, c'était borderline qu'on va dire, donc il y a des trucs qui sont vraiment dégueulasses et que ça sort un peu même de l'ambiance. Le gameplay c'est pas intéressant du tout, les énigmes sont pas du tout intéressantes à résoudre, mais pas du tout, c'est même pas c'est soit trop évident soit débilement compliqué, et c'est court en plus et c'était cher et voilà. Et pourtant j'avais quand même une bonne attente parce que esthétiquement il y a vraiment un boulot qui a été fait, ça par contre c'est indéniable, mais le problème c'est que ça souffre de sa technique, l'esthétique se fait bâcher par la technique là cette fois, donc non. Ok, donc c'est pas bien comme Deadly Premonition, c'est pas bien comme un jeu qu'il faut pas acheter en fait. Ouais, voilà, c'est pas bien, c'est malheureux. Je crois que c'est Cyan... Attends, c'est pas Cyanide. Il a fait... Peut-être que si, c'est Cyanide qui l'a fait, les Français de Cyanide. Bah ouais, mais là, je pense qu'ils n'avaient pas beaucoup d'euros. Donc, c'est dommage. Ouais, bon. Jeu suivant, c'était The Outer Worlds, donc jeu Obsidian, qui est maintenant un studio qui appartient à Microsoft. Depuis peu, il a annoncé pour bientôt. Donc, je suppose que, de toute façon, c'est Microsoft et Obsidian qui gèrent la communication à ce niveau-là. Bon, moi, ça, c'est un jeu, par contre, qui vraiment... m'interpelle et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Les images qu'on a vues lors du direct avaient l'air à mes yeux un peu trop belles pour de la Switch, mais bon, sait-on jamais, hein. Ensuite, là on atteint le point Capcom. Devil May Cry 2, 19 septembre 2019. Out of nowhere. Alors pourquoi Out of Nowhere? Alors, ceux qui sont pas au fait de Devil May Cry, c'est une licence Beat'em All 3D de Capcom, un des premiers Beat'em All 3D vraiment digne de porter le nom de Beat'em All. Camilla qui est derrière, qui est maintenant chez Platinum, donc qui était derrière le 1, le 2, je crois qu'il y a une espèce de flou, le 2, c'est pas lui. Trop. Non, c'est pas lui, mais on sait même pas qui est vraiment derrière le 2. Et, on veut pas savoir. Voilà, on veut pas savoir. Le 1 avait cartonné, cartonné relativement bien, marché commercialement et au niveau de la critique, c'était top. Franchement, le jeu est génial. Mais le 2, c'est nul. C'est vraiment nul. Tout le monde le déteste. C'est pas un mauvais jeu en soi. C'est-à-dire que c'est pas un jeu que vous allez le prendre et vous allez avoir envie de le jeter. Mais c'est juste que ça, il a pas le droit de porter le nom de Devil May Cry. Et Capcom, ouais, pardon. C'est vraiment incroyable d'avoir. Presque envoyer à la poubelle le gameplay du 1 en faisant un jeu où les flingues sont tellement puissants que tu vas jamais au corps à corps. Grosso modo, donc du coup, tu t'ennuies. C'est redondant au niveau des décors, mais là, t'as l'impression qu'il a été fait avec des chutes du 1 qu'ils avaient viré et qu'ils ont assemblé. Ça a fait un jeu et c'est Devil May Cry 2, c'est catastrophique. Dante, t'es parle plus. Dante, ils ont détruit le personnage de Dante, ça c'est juste inconcevable, quoi. Et c'est trop facile. c'est plus une difficulté. Il n'y a plus rien. C'est catastrophique, Devil May Cry 2. Et là où Capcom se fout bien de notre gueule, c'est que quand même, récemment, il y a eu une compile incluant Devil May Cry 1, 2 et 3 qui est sortie sur PC, PS4, Xbox, il me semble, aussi. Oui. Et là, sur Switch, on nous les sort au compte-gouttes. Alors tu te dis, bon. Ok, ils disent le public Switch, pigeon, on sort les trucs au compte-gouttes, tranquillement, admettons. Mais, enfin, je veux dire, sortir Devil May Cry 2 en stand-alone, mais qu'est-ce qui vous prend, quoi? Vous savez très bien que le jeu est daubé, c'est nul. On n'en veut pas, personne n'en veut. Mais remballez votre truc, enfin, je sais pas. Enfin, Capcom, enfin, alors, voilà, déclaration solennelle. Si il y a quelqu'un de Capcom ou quelqu'un qui travaille chez Capcom qui nous écoute, mais dites-leur, on n'en veut pas. Donnez-nous Devil May Cry 3, le 4, le 5, un spin-off, je sais pas, ce que vous voulez, mais Devil May Cry 2, c'est pas la peine. Les gens vont pas payer 20 balles, parce que je suppose que ça sera au moins 20 balles pour cette daube. Mais filez Godan ou Beautiful Joe, mais filez pas ça, quoi. Enfin, je sais pas. Faites pas ça, quoi. Voilà, désolé, il fallait que je pousse ce coup de gueule. Voilà, honnêtement, je serais pas surpris de le voir dans le top e-shop, tout simplement parce qu'il porte le nom de Devil May Cry. Ouais, mais là, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont pleurer, justement. C'est possible, après, derrière, mais ça m'étonnerait pas. De Alors, vu que c'est quand même un jeu qui s'adresse à des fans nostalgiques, je pense que t'achètes pas trop Devil May Cry, j'espère, par hasard. Il a quand même sa très mauvaise réputation avec lui, hein, Devil May Cry. C'est l'avantage, entre guillemets, pour le fait qu'il se vende pas. Après, il y a 2-3 qui vont tomber dans le panneau et pleurer. Ouais, c'est bon. Mais le 3, si le 3 arrive, et j'espère qu'il arrivera, et dans toute logique, il arrivera, là, pour le coup, je serai là. Parce que le 3, c'est la vie. Mais bon, franchement, ouais, c'est vraiment dégueulasse la façon dont ils ont fait le truc. Et enfin, je sais pas, j'ai l'impression, tu vois, comme ça, là, je sens le truc arriver. C'est qu'une fois que les 3 seront sortis, ils vont nous sortir une compilation en cartouche seulement pour les US et en version Asie ou un truc comme ça, où il y aura les 3. Bah, du coup, voilà, des gens qui auront payé un par un des maths. Pour en parler longtemps de la politique de Capcom, de faire des versions cartouches. Reste à des fans prêts à payer plus cher et d'en mettre que la moitié sur la cartouche. Vous pourriez vendre la cartouche plus cher encore, mais c'est pas grave, vous faites pas parce que vous êtes bêtes. Enfin, c'est incompréhensible leur gestion des jeux en cartouche à Capcom, alors que c'est des produits seulement pour fans. Quand on fait des compiles de Mega Man, je suis désolé, c'est pas le grand public qui achète ça. Je comprends pas pourquoi tout n'est pas sur la cartouche hors du Japon. Enfin, t'as une version pour le Japon, une version pour l'Europe, une version pour les États-Unis. Je sais pas qui décide du truc, mais à mon avis, il est soit sous drogue permanente, soit il est complètement idiot. Parce que là, je vois pas comment c'est possible de faire autant de. Comment dire, d'erreurs simples sur un truc qui pourrait leur apporter max pépette sans s'embêter, en fait. Je comprends pas. Et vous savez quoi? Le pire, c'est que je suis sûr que s'il y a une version cartouche, tu auras le 1 dessus et le 2 et le 3, ça sera un code de téléchargement, un truc comme ça. Ah oui, oui, comme Ray 4, ça carré. C'est dégueulasse. Oui, mais ça oui. Mais oui, mais moi, le pire, c'est que je suis sûr. Pour moi, la compil Resident Evil, ils ont gardé le meilleur sur le 4 qui est sur la cartouche et le 5 et le 6 sont en téléchargement. Alors, petite annonce. En fonction de l'état dans lequel ça va sortir, mais on peut espérer une version 360 plus quand même, donc à peu près stable. Faites Resident Evil 6. À pas cher, vous attendez une promo sur l'eShop, vous amenez un pote, vous mettez quelques chips, et là, à mon avis, vous n'avez peut-être pas prêt ce qui va se passer. Mais c'est vraiment génial, quoi. Faut absolument le faire une fois dans sa vie, c'est pas possible qu'on ait 100 millions de dollars là-dedans. C'est pas possible, c'est incompréhensible. Du coup, il faut absolument le faire une fois. Moi, j'y ai pas cru. Hein. Quand j'ai fait avec un pote, je voulais pas trop le faire, parce qu'il était précédé à juste titre de sa réputation à mauvais jeu, quoi. Mais par contre, une fois que t'es dedans et que t'as compris que là, ils en avaient rien à foutre, Capcom, bah là, t'es content. Tu fais, c'est parti, on va se marrer un bon coup. Et là, vous avez de quoi rire. J'ai rarement autant rigolé devant un jeu vidéo. Là, c'est quand même à faire une fois. Et ça fait pas peur. Pour ceux qui aiment les jeux qui font, j'aime pas les jeux qui font peur, trop. Allez-y, hein, ça a jamais fait peur de la vie, ce jeu. Vous pouvez y aller. C'est le seul truc que ça fait peur, c'est ceux qui ont payé ça 60 balles. Donc allez-y, c'est génial. Donc, je vais enchaîner sur le jeu suivant. Dernier jeu de cette petite séquence du direct où ils ont un peu tout balancé. C'était Vampyr, encore une fois édité par Focus Home Interactive et développé par qui déjà? Dontnod, en français. Prévu pour le 29 octobre toujours 2019 sur Switch. Perso, moi, j'ai la version PC. C'est pas un jeu vraiment que j'apprécie de fou, mais c'est toujours sympa de pouvoir le jouer sur Switch. Gros warning, la version PS4, elle est... pour être gentil, dégueulasse. Donc attention à la version Switch, je comment va être portée, hein, parce que sur PS4, c'était pas bien. Donc il y a eu des patchs, mais c'était quand même pas bien à la fin. Donc faut attention avant de le sortir. Parce que effectivement, là par contre, contrairement à Call of Cthulhu, là le jeu il est mieux, beaucoup mieux déjà. Donc mais attention, attendez quelques tests, retours, faites gaffe quand même sur Vampyr, parce que sur une Switch j'ai un peu peur, vu que c'est pas très optimisé sur console. Non, ouais, le jeu est solide et intéressant. C'est, bon, moi, enfin, j'avoue, enfin, je l'ai fait à une période où j'avais pas trop le temps de jouer, donc ça a été peut-être l'erreur, parce que c'est vraiment un jeu où il faut que tu t'imprègnes un peu de l'ambiance, les dialogues, etc. Ouais, faudra voir l'état dans lequel il sort sur Switch, mais c'est vraiment un jeu intéressant et c'est sympa d'avoir ce genre de jeu aussi sur Switch, je trouve. Donc ouais, ce sera pour le 29 octobre 2019. Ensuite, on est presque à la fin du direct et là on a eu le droit à un petit tunnel Animal Crossing New Horizon qui est toujours prévu pour le 20 mars 2020 où globalement ce qu'ils ont annoncé il me semble c'est un peu un genre de récapitulatif de ce qui a été montré lors de l'E3, les Treehouse, etc. Alors moi j'avoue Animal Crossing je suis de très très loin, peut-être que je me laisserai tenter par celui-ci quand il sortira, mais j'y connais pas grand chose. Alors est-ce que vous avez vu des choses un peu neuves lors de cette présentation? Pas grand chose en fait, comme tu dis. Hein, c'est, si t'as suivi, si on a suivi le trailer de l'E3, plus il était à l'E3, si je dis pas de bêtises. Oui. Et avec le Treehouse derrière, avec les gens qui interviennent, etc., et qui présentent le jeu, c'est vraiment, c'était des miettes qu'on avait hein, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pourra ajouter? On pourra revendre ces mauvaises herbes. On pourra revendre des mauvaises herbes pour avoir de l'argent ou des points look, des miles, ils appellent. Et puis qui nous permettront d'accéder à des mini-jeux, etc. Voilà. Manger une pomme, ça permet de déterrer un arbre avec une pelle et le replanter tel quel. Bon, bienvenue dans Animal Crossing, mais concrètement, moi je voulais un segment Animal dans ce direct et je suis un peu déçu, quoi. C'est pas vraiment, je pense, un jeu qui est fait pour être dans un direct généraliste. Je pense vraiment qu'il va beaucoup gagner quand il va avoir son très probable direct dédié février ou mars. Voilà, peut-être. Parce que c'est un jeu qui a un rythme de présentation qui n'a absolument rien à voir avec toutes les autres licences de Nintendo. C'est un jeu calme, posé, c'est une simulation de vie, c'est un jeu de gestion. Dans un direct, on enchaînait les jeux qui, en plus, juste avant, qu'on aime ou pas les jeux tiers qui sont présentés avant, après, c'était quand même plutôt action. Donc, du coup, on passe à ça. Je comprends que ça fasse... Et surtout, ça durait 5 minutes, effectivement, pour un résumé de 3. c'était un petit peu long dans un direct classique, mais ça a parfaitement sa place par contre dans un direct à part. Moi, ce que je retiens surtout d'Animal Crossing, c'est que ça a l'air d'être Animal Crossing, effectivement. Ça a bien l'ADN de la série. Ça a l'air d'avoir quand même, on aperçoit comme d'habitude, les quelques évolutions en termes d'aménagement qu'ils ont montré déjà du décor extérieur, des lieux, etc. Et c'est graphiquement hyper charmant. C'est vraiment. Ouais, ouais. Moi, je trouve ça, par contre, comme jeu sublime, dans le style que ça veut appliquer, c'est vraiment magnifique. Il y a une ambiance qui se dégage du jeu vraiment unique, quoi. Et ça, pour moi, c'est le gros point fort. J'en ai fait qu'un petit peu sur DS à l'époque. Et là, par contre, je sais que je me lance au mois de mars sur celui-là. Parce que là, c'est vraiment ce que. Ça m'a vraiment charmé et j'ai vraiment envie de mettre un peu le nez dedans. Mmh. Ouais, mais ils l'ont bien brossé, quoi. Moi, je l'attends comme un fou. Hein. C'est peut-être ma plus grosse attente de 2020. Mais j'aurais aimé voir, je sais pas moi, des nouveaux animaux, plus de concepts, etc. Ça sent le direct dédié, hein, de toute façon, pour jouer. Ouais, bah, pourquoi pas. C'est même bien possible, en fait, ouais, tout à fait. Et puis, ils ont évoqué qu'on pouvait jouer à 4 joueurs dans un même village, parce qu'en fait, chaque village a son... on peut installer 4 maisons, donc par exemple, si vous avez un frère ou une sœur, ou que sais-je, votre maman souhaite jouer à Animal Crossing, elle peut venir dans votre village et installer sa maison. Oh, les petits frères qui vont couper tous les arbres. Voilà. Et donc là, on pourra jouer en même temps sur un seul et même écran. Et puis jusqu'à 8 en ligne. Voilà. En allant visiter les villages des autres, etc., pour vendre des navets pour ceux qui sont habitués à la série. Le cours du navet. Oh là là, ça va être la guerre encore. Le cours du navet pour ceux qui sont. Bien conscient. Full serious business, le navet, hein, sur Animal Crossing. Oui, on ne rigole pas avec le navet. Sinon, il va pourrir à la fin de la semaine. Alors, il faut bien décider quand est-ce qu'on va le vendre. Voilà. Je crois qu'il y a une bourse du navet, si je ne dis pas de bêtises. Alors, il y a un cours du navet, oui. Concrètement, il faut se rendre chez... je ne sais plus comment ils s'appellent, les animaux, mais qui vont te donner le cours du navet de chaque jour, en fait. Et le dimanche, tu l'achètes à... Je crois que sur Internet, il y avait des tarés qui étaient, enfin des tarés, des passionnés, pardon, qui étaient à fond sur Facebook et des malades mentaux qui jouaient avec le cours du navet, enfin la bourse. Ben, c'est possible, parce que bon, on reste derrière de la spéculation, etc. Donc on achète ses mais c'est la meilleure introduction au capitalisme, je pars. Alors, l'avantage, c'est qu'on rembourse ses prêts, mais c'est à taux zéro, là. On prend notre temps. Ah oui, comme nous qui ne prend pas beaucoup d'intérêt, c'est bien. Par contre, on assassine dès le début, quoi. Ouais, c'est vrai. Voilà. Eh ben, ok. Bah, si vous le voulez bien, on va passer au fameux le One More Thing. Le fameux, celui où, en général, ils concluent direct, mais ils disent « on a un petit truc à vous montrer ». En général, c'est le teaser du jeu que personne n'attendait ou que tout le monde voulait. Hein. Et bien, cette fois-ci, est-ce qu'on a été déçu ou pas, ça sera peut-être un peu l'objet du dossier qu'on aura après. Xenoblade Chronicles Definitive Edition pour 2020. Personne ne l'attendait. Alors, on avait eu sur Twitter quelques petits teasings de staff de Monolith où tout simplement ils retweetaient l'annonce du Nintendo Direct, et en général ça annonce un produit de chez eux, que les gens disaient bon bah voilà, ça sera un portage de Xenoblade Chronicle X pardon, de la Wii U, ou qui sait, peut-être une suite à un Xenoblade Chronicle 3, et au final c'est le premier en Definitive Edition. Donc on nous a montré une cinématique qui permet de faire un peu le comparatif avec l'original, qui est sorti sur Wii. Alors, de ce qu'on a vu, apparemment, ça serait le jeu passé sous la direction artistique du 2. On voit les personnages un peu changer et avec un bon lifting graphique quand même. Enfin, moi, j'ai trouvé ça quand même assez joli. Et a priori, on aurait peut-être des nouveautés, des nouvelles zones, je ne sais pas. Moi, j'ai pas fait le premier sur Wii, donc je sais pas à quoi on peut s'attendre au niveau de contenu supplémentaire. Alors, je sais pas si vous, vous l'avez fait. Apparemment, c'est ce qu'il y a en plus là, de ce qu'on aperçoit, si c'est ce qu'on aperçoit, parce que j'aurais resté prudent, mais je pense que oui. C'est la zone qui a été cutée dans le premier, l'immense zone qui a été cutée, en fait, pour temps de développement sur le premier, qui se trouve, je dis pas de bêtises, sur... qu'elle est sur Bionis, celle-là, l'un des deux titans, et elle est énorme, cette zone. C'est elle est plus grosse que les premières zones du jeu qui sont déjà gigantesques, et là, c'est plus gros encore. Donc là, c'est un gros segment de jeu en plus, je pense qu'ils ont rajouté. Donc là, on est vraiment sur un truc plutôt cool, en fait. Après, il faut voir les autres changements, mais on est parti, on part sur un truc cool, quoi. Ça, plus la grosse mise à jour de graphique et le changement de moteur du jeu, en tout cas. Ça, c'est... Ouais. On part sur du lourd. Après, on espère juste qu'ils ont fait aussi quelques adaptations d'ergonomie, notamment dans... Parce que le 1, pour les menus, c'est... c'est rude quand même, hein, c'est le Blade 1 maintenant, donc c'est un peu le bazar. Donc j'espère qu'ils ont fait des adaptations ergonomiques à ce niveau-là, quoi. Donc surtout. Ouais, bah j'imagine. Hein. Enfin, en général, quand ils font des remakes comme ça, ils font pas le travail à moitié chez Nintendo. Ouais. Donc, ouais, généralement. On espère. Et bah voilà, qui conclut le direct. Donc ce que je propose, c'est qu'on fasse un petit tour de table sur bah, un peu vos ressentis, vos impressions sur le direct rapidement. Hein. 3-4 phrases. On va commencer par Sid. Sid, qu'en as-tu pensé, toi, de ce direct ? Écoute, le direct, je l'ai trouvé assez... Enfin, je l'ai trouvé bon sans plus, quoi. C'était... T'as l'impression qu'il était un peu là pour dire qu'on est là tous les tout le temps au mois de septembre, donc il fallait qu'on soit là. Et puis, voilà. J'ai pas été transcendé, quoi. Ma liste de jeux ne s'est pas... Ma liste de jeux achetés ne s'est pas agrandie, bien que je mets une petite réserve quand même sur le portage Wii U de Tokyo Mirage Session et peut-être que c'est Xenoblade, mais que j'ai déjà fait. Donc, refaire un RPG d'une centaine d'heures, même si la patte graphique, elle a fait un bond, c'est pas trop dans mes habitudes. Mais globalement, ouais, voilà, c'était pour dire bon, bah voilà. Il y a ça qui vous arrive sur le coin du nez à la fin de l'année. Et puis, on a saupoudré d'un petit peu de jeux de 2020. Portage. Et puis, voilà, quoi. Donc, bon, le ressenti, c'est bon sans plus. Ok. Et toi, Citan ? C'est un petit peu pareil que Cid, à la différence que je suis content qu'ils aient poussé un tout peu plus en fait, les tiers encore dans ce direct, ils se sont vraiment mis, Nintendo s'est vraiment mis de côté dans ce direct-là, hein, ça se voit clairement, ils ont expédié leur jeu la plupart du temps, le plus gros segment c'est Animal Crossing parce qu'il n'est pas sorti, mais sinon Luigi's Mansion, ils avaient dit qu'ils allaient se focaliser sur Luigi's Mansion et Pokémon, ça fait 3 minutes, même pas je crois, sur Luigi's Mansion et 4 minutes sur Pokémon, quoi. Donc ça a vraiment été positif, et que ça a vraiment été la place en fait au tiers. Alors moi, là où je suis content, c'est que c'est le retour du RPG Jap, grosso modo. Carrément. Là, moyen d'être content, avec des nouveautés, des remakes, ou des partages de choses qui existent déjà. Donc là, je suis vraiment assez content à ce niveau-là. Moi, ça me fait vraiment plaisir de voir le jeu Jap revenir quand même en force comme ça. Donc après, oui, si on me dit, est-ce que tu as préféré les directs précédents ? Oui, j'ai préféré le direct de février, c'est surprise, comme tout le monde. Ça, c'est normal, hein, de toute façon, ça, c'est, à mon avis, c'est normal. Mais voilà, en tout cas, non, ça ne m'a pas déçu, ça ne m'a pas rendu dingue, mais ça m'a conforté dans la bonne direction que ça prenait. Et toi, non ? Ouais, bah, moi, ça a été un peu, j'en attendais pas énormément, donc forcément, à la fin, je me suis dit, c'était vachement bien quand même, parce que le rythme était soutenu, à part peut-être le petit tunnel Animal Crossing sur la fin, le rythme était soutenu, il y a beaucoup de tiers, il y a quelques petites surprises, et puis il y a les jeux qu'on a envie de voir et revoir. Mais bon, quand tu fais le bilan, au final, tu te dis, ouais, ok, de toute façon j'avais déjà un backlog de fou, j'ai déjà des jeux que je vais acheter, je sais déjà ce que je vais consommer jusqu'à décembre, et puis voilà, il y a quelques petits trucs qui se rajoutent, il y a quelques petits trucs que tu te dis bon bah peut-être en réduction, etc. Mais au final, je dirais que c'était un direct solide, pas exceptionnel, mais solide, vraiment carré. Et le plus important peut-être pour moi, en dehors des annonces du direct, c'est ça montre aussi un peu que... Enfin, ça me donne l'impression que Nintendo a encore évolué, encore affiné sa communication. Ils ont sorti le segment Smash du direct pour vraiment laisser la place aux annonces des jeux. Il y a eu quand même de la place pour les tiers. Ça n'a pas juste été... on jette 3 trucs de studio tiers et puis on va prendre tout l'espace pour les jeux Nintendo. Comme l'a dit Citan, Luigi's Mansion, ils l'ont annoncé avec Pokémon comme gros morceau du direct. Au final, c'était pas si long que ça. C'était vraiment très factuel et très direct. Pokémon, c'était vraiment une liste, quoi. Ils ont dit, il y a 4 trucs dont on va vous parler. 1, 2, 3, 4. Et voilà, c'est fini. Et ça, je trouve que c'est bien, en fait. Et aussi, une certaine diversité dans les jeux, même s'il y a quand même une prédominance des... jeux japonais RPG et remake et remaster notamment. Donc voilà pour mon ressenti à l'issue de ce direct. Alors avant de conclure la partie news, je vais juste évoquer ce qui a été annoncé par Nintendo tout récemment, c'est tout frais. Je sais pas vraiment comment qualifier ça. On en saura plus, je crois, le 12 septembre. Mais bon, ils ont sorti un petit spot made in Nintendo, genre vraiment version époque Wii, où il y a des gens qui s'amusent avec un espèce d'anneau sur lequel il y a des Joy-Con, et on ne sait pas s'ils s'amusent, l'anneau du bonheur, le Joy-Ring, voilà comme on l'appelle maintenant. donc ils s'amusent avec en faisant du sport apparemment, mais bon, c'est pas trop. Alors il y a un moment aussi où le mec a sanglé autour de sa jambe un Joy-Con, enfin C'est très bizarre. Ça semble s'orienter vers du fitness fun, en fait. Différence de Wii Fit qui est du pur fitness classique, on va dire. Ouais. Là, ça s'oriente vers, je pense, du fitness un tout petit peu plus fun, c'est-à-dire avec des mini-jeux, je pense. Déjà, on voit pas le jeu pour faire que des suppositions. La musique qui est derrière dans le trailer n'est pas du tout musique de Wii Fit. Ça semble plus être un genre de mini-jeu délire que Nintendo a l'habitude de faire. À mon avis, le style graphique va être plus proche de ce que fait Nintendo habituellement que ce qu'était Wii Fit, je pense quand même. Je suppose que ça va être ça, et les premiers insiders, apparemment, pu voir le truc, orientent quand même vers ça. Après, ça va rester, il faut quand même pas oublier qu'aux États-Unis, Wii Fit, c'est un ultra carton auprès du grand public, notamment aux USA. Wii Fit, ça a été un carton monumental, et je pense que Nintendo, ils oublient pas ça. Ils veulent absolument avoir une partie du public qu'ils avaient avant. Ils ont essayé avec Labo, ils essayent avec ça. La différence avec Labo, c'est que la 1, bah, c'est beaucoup moins d'installation, c'est un cercle dans lequel tu mets un Joy-Con, donc ça prend une seconde environ. Donc voilà. Ouais. C'est par contre excluant pour la Switch Mini dans la simple raison que le même jeu sur un 5 pouces et demi que tu mets pas sur la télé, à mon avis, c'est non. Déjà, c'est un jeu de fun de salon, donc c'est la Switch de base. Donc il vise vraiment le grand public qui serait joueur du jeu en famille. Et troisièmement, bah, c'est pour moi, je pense pas que ce soit négligeable. Cet accessoire, tu vas pouvoir l'essayer avec un jeu qui va coûter un prix normal, mais là tu peux le revendre. Labo, tu peux pas. Là, tu peux le revendre parce que le cercle, là, si tu le pètes pas, ils ont quoi. Donc, je pense que c'est pas négligeable. Ils ont dû repenser leur produit par rapport à ça. Et apparemment, c'est bien fait par EPD4, les mecs qui, c'est-à-dire l'équipe qui fait les WarioWare, les Beat the Beat, les Nintendo Labo. Donc, c'est l'équipe test prototype délire de Nintendo. Donc, on peut s'attendre à un truc rigolo, en tout cas. Après, bah, faut voir le jeu, faut voir sa durée de vie, faut voir la profondeur du truc, faut voir si c'est un jeu qui, de fitness à la Wii Fit, derrière tous les jours avec de nouvelles activités à faire, ou si c'est plus un WarioWare, qu'on sort en soirée et tout. Tout ça, c'est la question, et on espère que le 12, ils vont en montrer plus. Mais je pense que c'est le dernier jeu à sortir cette année de Nintendo. Effectivement. Ouais, c'est le fameux dernier jeu. Ouais, ce sera peut-être le jeu de décembre, au final. Très possible, très possible. Ça peut très bien faire l'effet pendant les fêtes, ça. C'est très, très possible. Ouais, bon. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour de la partie news. Gros morceau. On va pouvoir attaquer le dossier où nous allons un peu discuter de tout ce qui est remake, portage, etc. Mais avant ça, on a un petit interlude musical qui nous a été préparé par Citan. Est-ce que Citan, tu peux nous en parler un peu? Alors oui, bah justement, on va essayer de faire le lien entre la dernière annonce du direct, le dossier qui suit. J'ai mis un petit interlude un peu calme, le thème musical qu'on entend à l'écran type de Xenoblade Chronicle, qui est de mémoire, qui est joué au piano par, si je dis pas de bêtises, le thème, il doit être fait par Yoko Shimomura, je crois, le thème principal de Xenoblade. Du coup, il est vraiment cool, il est calme, ça fait un petit interlude de 2 minutes avant d'entrer dans le vif du sujet. Ok, on va s'écouter ça et on se retrouve juste après. Et nous revoici après cette interlude musicale pour aborder le dossier, le gros morceau final. Et cette fois-ci, nous allons parler de remake, remaster, portage, pourquoi, comment, de ce que c'est juste, de ce que c'est pas juste, qu'est-ce qu'on a envie de voir, qu'est-ce qu'on ne veut pas voir, des bons exemples, des mauvais exemples. Et pourquoi on a choisi ce sujet ? Bah, tout simplement parce que, comme vous avez pu le remarquer, avec ce direct, il y a eu quand même pas mal d'annonces de portage, de remaster, des choses qu'on n'attendait pas forcément, et notamment le plus gros, et je pense que c'est celui qui nous a décidé à choisir ce sujet, Xenoblade Chronicles Definitive Edition, qui pour le coup, lui, est un vrai, par vrai, j'entends, un remaster complet, c'est-à-dire on repasse les graphismes sous un nouveau moteur, etc. etc. Alors, déjà, question toute bête, est-ce qu'à votre avis, il y a trop de portages et de remakes, de remaster sur Switch ? Trop portage, je sais pas dans quel. En fait, tout en vient de la définition. Admettons qu'un joueur, un éditeur tiers souhaite amener son jeu sur Switch. Je pense par exemple à Diablo, Overwatch, etc. C'est des jeux qui sont d'actualité encore. Donc pour moi, ça a une importance de les voir. Et je les considère pas vraiment comme des portages à proprement parler. Ouais. On va pas chercher le catalogue rétro, on va dire pré-PS3 et pré-Wii, etc. On est au cœur de l'actualité. Overwatch, ça se joue encore. Diablo 3, c'est un sujet un petit. Diablo 3, c'est un peu... Mais voilà, c'est des jeux qu'on joue encore aujourd'hui et qui ont une certaine communauté encore active, je dirais. Ouais, parce que... Donc, oui. Enfin, moi, si je puis me permettre, en fait, c'est plus... Enfin, tout le monde les appelle des portages, par exemple Witcher 3, etc. Mais bon, comme c'est des jeux plutôt, on va dire, current-gen, pour moi, c'est plus en fait, des adaptations. Je vois pas pourquoi on appelle ça un portage. Pour moi, un portage, c'est vraiment quand tu prends un truc d'une vieille console et que tu le mets sur une nouvelle forme. Encore une fois, c'est chipoté peut-être sur les mots, mais c'est plus des adaptations, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, bah, je suis plutôt d'accord avec ça. Et puis, pour revenir à la question, est-ce qu'il y en a trop ? Là, du coup, voilà, ça va jouer au niveau de la définition. Donc, les tiers qui veulent installer leur jeu sur Switch, leur jeu de current gen, comme tu dis, c'est oui. Les autres portages... c'est une autre histoire, en fait. Par exemple... Capcom. Voilà. on en arrive au sujet qui peut fâcher. C'est-à-dire que Capcom, c'est une politique qu'ils avaient annoncée il y a 2-3 ans, il me semble, qu'ils avaient dit qu'ils allaient se concentrer sur le revival de leur ancienne licence par l'intermédiaire de nouveaux jeux et de portage. Et ben malheureusement, oui. La Switch sert un petit peu à la poubelle en fait de Capcom, pour être un peu grossier. Le mot est lancé. c'est un peu le. Capcom n'a sorti qu'un nouveau jeu de sa current gen, c'est Mega Man 11. Voilà. Alors après, il y en a, ils vont me dire que la Switch n'est pas assez puissante pour faire tourner du NHL World, Resident Evil 7. C'est possible. C'est possible. Mais du coup, on les attend plus sur des jeux adaptés, ou un minimum d'effort. Je pense qu'il y a une certaine communauté qui attend un Monster Hunter spécifique à la Switch, par exemple. Et là, comme tu te dis, on a des trucs... est-ce qu'il y a trop de portage de la part de Capcom ? Peut-être. On a du Onimusha. Alors, j'ai du respect pour les gens qui aiment les Onimusha, il n'y a pas de problème. Mais bon, voir débarquer Onimusha, voir... tout un tas de Street Fighter 2, puis en fait derrière on te sort une compile, en gros on te fait payer 3-4 fois, et puis à côté les autres consoles ont des nouveaux jeux. Donc moi je pense que le cas Capcom est un peu c'est un peu le mauvais élève, donc il y en a trop peut-être de ce côté là mais je sais pas c'est quoi votre sentiment là-dessus. Le truc c'est que en fait c'est difficile en fait de dire une règle globale, il y en a trop, il n'y en a pas assez en fait. Le truc, c'est que par exemple, le cinéma à côté, il ne s'est jamais gêné pour ressortir 50-55 fois. On dira que le format a changé, certes, mais ces films, en les remasterisant, ce qui serait peut-être en fait le terme le plus logique sur les vieux jeux, c'est plus une remasterisation, c'est-à-dire qu'on adapte aux standards techniques du jour, c'est-à-dire la haute définition, le 16-9e et tout, la plupart des vieux jeux, là je parle pas des compiles vraiment en portage pur, mais même encore elles sont adaptées, dans les nouveaux jeux, on est plus sur des remasterisations en fait, c'est-à-dire qu'on prend des vieux trucs, on passe à la technique actuelle, et pour que ça soit net sur une télé classique, et basta quoi. Grosso modo, ça c'est Capcom par contre. Ça c'est clair, c'est Capcom, touche pas du tout au contenu, ils font ça pour tous leurs jeux, grosso modo, et merci, terminé, bonsoir. Comme tu dis, le seul nouveau jeu c'est Megaman 11, et le seul prochain à venir, je crois, c'est Ace Attorney 6, si je dis pas de bêtises, qui est sur Switch. C'est vraiment les deux seules nouveautés que Capcom a consenti, en fait, on va dire, à Nintendo, quoi. Et ça, c'est pour moi des remasterisations, ça ils en font plein. Est-ce que c'est nécessaire, oui ou non? Moi je pense que oui, pour une préservation du patrimoine et pour faire découvrir certains jeux à la jeune génération, certains ont beaucoup moins bien vieilli que d'autres, ça je suis d'accord, certains ont très bien vieilli, je prends le cas d'Okami, ça très très bien vieilli par exemple chez Capcom, ouais. Voilà par exemple, ça se fait, on peut argoter sur le fait que ce soit un bon ou un mauvais Zelda-like, ça après c'est un autre débat, mais en termes de jeu pur, la jouabilité, le truc, le jeu il est jouable, il est parfait, la portage Switch est extraordinaire, la remasterisation Switch pardon, extraordinaire, pas de problème. Ça passe nickel. Après, oui, est-ce que c'est bien d'avoir, pour la 494e fois, Resident Evil 5 qui sort sur quelque chose? Je veux dire, oui, on peut se poser la question, effectivement. Mais vu qu'on n'est pas, nous trois, représentatifs vraiment de la totalité du public présent sur une console, est-ce que les portages ne sont pas une bonne manière pour un public qui ne jouait plus depuis un moment de découvrir des titres qu'il aurait loupé et tout? Moi, la question, elle se pose plus sur le prix dans ces cas-là. Que vraiment sur la nécessité de le faire ou de pas le faire. C'est toujours bien qu'il y ait une disponibilité des offres, mais il y a deux conditions, il faut que ce soit un prix raisonnable et que ça se fasse pas au détriment des équipes principales qui peuvent développer des nouveaux opus, qu'on aimerait bien avoir d'ailleurs, sur Switch. Ça, c'est ça les deux conditions. Quoi. Pour moi, en tout cas, au niveau de ce que j'appelle plus des remasterisations. Ouais, c'est vrai que je suis d'accord. Alors pour reprendre l'exemple Capcom, il y a aussi un bon exemple, c'était celui de Dragon's Dogma, qui est au final, je sais pas si on peut appeler ça un remaster ou un simple portage. Il a été quand même adapté à la Switch, mais bon, étant donné qu'ils ont utilisé la version Dark Horizons qui était déjà augmentée, j'appellerais ça plutôt peut-être même une adaptation. Et pour le coup, le travail était correct dessus. Donc, c'est vrai que si on avait plus d'initiatives de ce genre, où c'est vraiment en plus un jeu qui a sa communauté, mais qui n'a pas été un franc succès, si ça permet de le faire redécouvrir, alors là je suis complètement d'accord avec toi, c'est totalement justifié et c'est même ce que moi personnellement j'ai envie de voir, d'autant plus que le prix sur ce jeu était tout à fait raisonnable, donc il n'était pas vendu au prix fort, alors je connais plus le prix exact, mais c'était du 30, il était à 30 balles, voilà. Je crois que c'est 30, il était vraiment pas cher. Ouais. Et c'est intéressant aussi le fait, parce que enfin vous deux vous avez bien précisé que voilà, il y a des termes à utiliser, il y a des remakes, il y a des remasters, etc. Donc, je pense aussi que le lexique, même si certains diront c'est chipoté, est assez important, dans le sens où, voilà, un remaster, ce n'est pas un remake, un portage, ce n'est pas un remaster, et ce que j'appelle une adaptation, c'est pas un portage non plus. C'est des choses différentes. Enfin, moi aussi, il y a un autre truc. Bon, on a parlé du prix. La question du prix dans le jeu vidéo, personnellement, c'est un truc que je trouve toujours un peu compliqué parce que c'est dur à évaluer, que ça doit être en fonction de la popularité de la licence, de la demande du public, des moyens investis pour faire le jeu. Bon, c'est un peu... On sait ce qui est trop cher. Après... Un vaste débat. Ouais, c'est un vaste débat. Mais il y a aussi la pertinence des fois aussi des remakes. On va reprendre un exemple évoqué tout au début, Secret of Mana. Enfin, pourquoi avoir fait ce remake, par exemple? C'est un peu chaud. Ben, c'est chaud dans la mesure où, en plus, déjà, pourquoi, à la limite, remake, passer Secret of Mana en 3D pour qu'il soit... Ok, bon, d'accord, pourquoi pas. Mais le faire comme ça, en gardant la vue originale de l'époque, mais avec une 3D type téléphone portable fait par une entreprise de Coréens sous drogue, je vois pas pourquoi vous avez fait ça en fait les gens quoi. Donc c'est, et vendre ça plein pot en plus derrière, là aussi la question du prix qui se pose encore une fois, c'est absolument incompréhensible d'avoir fait ça, je veux dire, et surtout quand tu te prends un retour de flamme, tu dois te douter que tu vas te prendre un retour de flamme comme ça, c'était un tout petit peu producteur de jeu dans une boîte et que tu touches avec le patrimoine historique de la boîte, tu sais que si tu dénatures le truc de base. Et on a bien eu l'exemple tout à l'heure entre Trial of Mana et Secret of Mana, pour prendre la même série, il y en a un qui est respectueux et l'autre qui ne l'est pas. Bah, la différence de réaction, elle s'est vue tout de suite. Quoi. Au moins, il y a eu un, comment dire, enfin, l'effet positif derrière, c'est que on te sort le 3 complètement remake avec les sous-titres d'une beauté, et puis t'as une compile aussi qui suit là aussi qui a été bien traitée, etc. Trois jeux en un, voilà. Il y a eu une réaction mine de rien quand même de Square Enix derrière ce entre guillemets ce mini scandale de remake du premier en fait. Et puis aussi ce direct nous montre, alors bon, petit aparté, je sais pas si on doit revenir aussi sur le cas Final Fantasy VIII qui est là pour le coup en remaster, mais bon, un remaster vraiment du pauvre quoi, parce que on nous a teasé les modèles 3D et puis à la fin quand tu lances le jeu, bah en fait ouais, il y avait vraiment que les modèles 3D qui ont été changés et puis on te met des cheat codes, très décevant, mais bon voilà, en plus vendu plein pot encore une fois, donc on parlait du prix, ouais. Tu vois, c'est, tu payes au prix d'un remaster des limites des ISO PS1 où il y a juste les modèles 3D et des cheat codes. Bon, les cheat codes, ça c'est un truc, enfin moi personnellement, je trouve un peu... Enfin, je crois qu'il y a eu aussi quelques petites adaptations de gameplay, mais bon, voilà, il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard. Non, mais le cheat code, c'est dérisoire. C'est ouais. Honnêtement, c'est du je m'en foutisme. Enfin, c'est des trucs du bonus. Vendre ça, se servir de ça, je trouve, pour vendre son produit remasterisé, je trouve ça très, très limite, quoi. C'est des choses que n'importe quel émulateur, par exemple, accélérer la vitesse du jeu, c'est des choses que n'importe quel émulateur est capable de faire. Bon, quand bien même, bravo à Square Enix, c'est d'avoir augmenté la vitesse du jeu sans que les musiques soient impactées. Bon, c'est à souligner. Le problème principal de Square Enix, c'est la gestion. Là, par contre, c'est un cas. Eux, c'est un cas spécifique du remaster remake quand même. Eux, c'est la gestion de leur patrimoine historique, elle est catastrophique. Alors, on va pas se mentir, hein, il y a des trucs qui ressortent pas du tout parce que je pense qu'ils ont personne pour faire d'adaptation et que Square Enix, ils arrivent pas à déterminer ce qui va bien se vendre ou pas dans leur patrimoine. Ils portent brut des trucs, tu sais pas pourquoi, genre qui ressortent du placard. Il y a un fan qui avait demandé FF12 en fait à un moment donné, ou, enfin je sais pas. Mais du coup, il y a des trucs qui sont bizarres. Il y a des gestions de remake qui se passent très bien, notamment ensuite Final Fantasy XII, de remaster pardon, comme Final Fantasy XII qui se passe extrêmement bien, où là il y a une vraie travail d'adaptation, d'ergonomie, de changement d'éléments de gameplay, de tricks et tout qui font que le jeu est transformé et beaucoup plus agréable à faire. Ouais, super. Voilà. Et super, qui est génial. Très bon portage Switch en plus, ça se passe très bien à ce niveau-là. Mais par contre, à côté de ça, on va jamais te ressortir, alors que ça hurle, on va jamais te ressortir un chrono, on va jamais te ressortir un truc du placard, même, mais là je parle même pas en remake, hein, en portage pur à la FF, non, ça on sort pas par contre. À côté de ça, on a des algorithmes sur PC faits par des fans qui refont les décors de Final Fantasy en fait avec l'IA, et tu sais pas pourquoi on va pas aller contacter ces gens-là, ça nous permettrait de vendre le jeu 20 balles de plus et les gens le feraient. Non, par contre, il y a des décisions qui sont incompréhensibles dans la gestion du patrimoine de Square, en fait. C'est peut-être l'éditeur tiers avec Capcom qui a le plus gros patrimoine du jeu vidéo japonais, et on se demande bien ce qu'ils font, en fait, quoi. C'est incompréhensible, la gestion d'équipe. Je pense qu'il y a des gros problèmes internes à Square qui doivent poser des problèmes, et ça se voit par moments, genre Secret of Mana, ou effectivement la gestion FF8 Remake, la mauvaise gestion d'FF8 Remake, quoi. Donc là, c'est quand même problématique, quoi. C'est ça le souci, c'est que il y a aussi des bons et des mauvais élèves dans les portages remaster, quoi. Ouais. C'est pour rien, quoi. Mais FF8, par exemple, j'ai lu que... J'ai lu sur le test justement de jeuxvideo.com qui disait que les cinématiques ne sont même pas retouchées, en fait. C'est de la SD. Il n'y a même pas de haute définition. Je trouve ça vraiment... c'est presque du foutage de gueule, en fait. Ouais. On a collé le design des persos de Final Fantasy Dissidia, je crois, sur les persos d'FF8. On a fait... ça commençait très bien, hein, la communication sur FF8, mec. Hein. Et puis, à l'arrivée, on a un produit, comme tu dis, Frostman, on a changé la tête des gens, et puis voilà. On n'a pas fait grand-chose à côté, quoi. Le problème qu'il y a, je pense, de Square et de beaucoup de Japonais de cette époque-là aussi, Sega est comme d'habitude dans le coup, mais c'est qu'en fait, il n'y avait pas une sauvegarde totale des assets de développement. Hein. Je pense que là, ils font du rétro-engineering sur les FF, je pense. Je pense qu'ils sont à rendre à ça, ce qui fait que les décors, ils ne les ont pas en haute résolution. Je crois qu'il n'y a que FF9 qui les a, mais FF7, FF8, ils ne les ont pas, en fait. Et Kingdom Hearts, par exemple, quand ils ont fait le portage sur la PS3, ils ont refait le jeu de A à Z. Ils avaient effacé le jeu, donc ils l'ont refait. Ils ont reconnu un jeu entre PS2 sur PS3, ce qui fait qu'ils ont mis deux. Tout le monde demandait pourquoi ils mettaient deux ans à faire Kingdom Hearts sur PS3. Bah, parce qu'ils refont le jeu, en fait. Et du coup, c'est hallucinant, en fait. Les Japonais avaient aucune notion, certains, de préservation de leur patrimoine. Du coup, je pense qu'il y a des problèmes sur les vieux jeux PS1 aussi, comme ça. Si ça se trouve, ils n'ont pas les assets de Chrono Cross, ils n'ont pas les assets de Front Mission, ils n'ont pas les assets de Saga Frontier. Ça pose d'énormes problèmes, je pense, en fait, en interne. Là où Capcom, par exemple, a bien archivé son boulot, lui, par contre. À côté, tu vois, c'est la différence, quoi. Et ou Nintendo, par exemple. Mais c'est Sega, c'est pareil. Panzer Dragoon et Saga est perdu pour toujours. Panzer Dragoon Zui aussi. Enfin, Shining Force est effacé. Enfin, il y a des hallucinations. Tu te dis, mais comment vous pouvez effacer des trucs? Vous n'êtes jamais dit dans l'idée, comme le cinéma, que vous allez te ressortir un jour. Et apparemment, non. Dans leur terme, oui, ils y pensaient pas. En fait, non, c'est hallucinant. À l'époque, les mecs, ils faisaient des jeux, ils en finissaient un. Bon, bah voilà, maintenant on a besoin de disques durs pour commencer le deuxième. Ah bah, ouais, ça, c'est bon, c'est fini, efface, on s'en fout, tu vois. Enfin, les mecs, ils étaient juste là pour faire des jeux, ils se posaient pas la question. Et plutôt que, je sais pas, moi, d'acheter un nouveau PC ou un truc comme ça, bon, bah, ils resetaient le truc et puis c'était parti. Mais c'est intéressant parce que tu parlais de bons et mauvais élèves. Alors, je pense que déjà, la façon dont tu as sauvegardé ton travail effectué sur le jeu va influencer si tu vas être un bon et mauvais élève. Mais quand on parle de Sega, par exemple, Sega, au niveau des Sega Ages, c'est du super boulot quand même. Là, vraiment, c'est plus que du portage, c'est pas du remake, on est vraiment dans la... Je sais pas comment dire, c'est de la remasterisation de boulot, ça va plus loin que ça. C'est comme quand James Cameron retravaille ses films pour les sorties ciné ou pour le cinéma, c'est-à-dire qu'il va retoucher à la colorimétrie d'image, il va retoucher en fait au grain, il va retoucher à la définition. Là, c'est exactement ce que font le studio M2 sur les portages. Virtua Racing, par exemple, pour prendre le dernier portage qu'ils ont fait, c'est hallucinant au niveau de la qualité. T'as vraiment le jeu d'époque, mais visuellement qui est exactement comme à l'époque, mais sans les bugs, sans les machins, ça a été fluidifié, les légers bugs ont été enlevés, l'ergonomie a été retouchée, il y a des options de confort, c'est vendu à un prix dérisoire en plus. Alors là, pour le coup, Sega, hallucinant de vendre ça à ce prix-là, quoi. 8 balles, un travail comme ça, alors qu'à côté, on vend 20 balles des portages boîtes de décoffrage. Ça a beau être des vieux jeux, le gameplay est toujours là. Non, le travail de fait, c'est vraiment presque un travail de mise en avant, de dépoussiérage, de rehaussage de ce qu'étaient les jeux vidéo d'époque. Et à ce niveau-là, c'est vraiment... C'est intouchable. Voilà ce que fait Sega là-dessus, c'est trop bien. Après, on peut argoter sur la sélection de jeux, oui, d'accord. Mais par contre, sur ce qui est fait sur les 10 jeux, ça, par contre, c'est inattaquable. Ouais, je suis d'accord. Puis autre bon élève, c'est Nintendo. Nintendo, quand même, enfin, je veux dire, que ce soit les portages, les remasters, les remakes, il y a très très très peu de couac. Et vraiment, même au niveau juste de l'émulation pure, on a pu le voir avec la NES et la SNES, et avec les NES Mini, les SNES Mini, etc. C'est vraiment, là aussi vraiment, enfin je dirais pas du travail d'orfèvre, mais c'est du lourd. C'est du lourd et ça fait plaisir. Mais il y a une question quand même que j'avais envie de vous poser, c'est que bon, on a un peu vu, on a fait un tour d'horizon sur les façons dont tu peux ramener un jeu sur le devant de la scène, donc que ce soit remaster, remake, etc. On a vu les bons et les mauvais élèves, la question du prix, mais il y a quand même une question fondamentale, c'est la question de la pertinence. Qu'est-ce qui fait à votre avis qu'un jeu va être pertinent à porter ou à remaker ou à remasteriser? Et je vais prendre un exemple, c'est que on a dit que Xenoblade, personne ne l'a vu arriver. Tokyo Mirage Session non plus, personne ne l'a vu arriver. Qu'est-ce qui fait pour vous, qu'est-ce qui fait qu'on va prendre cette décision de choisir tel jeu ou tel jeu? À mon avis, il y a deux types de décisions que tu prends en fait sur le reportage. C'est un, est-ce que tu vas commencer pour faire un portage comme son Tokyo Mirage Session? Est-ce que c'est un jeu de niche, mais tu te dis... Est-ce qu'il n'avait pas été impacté par son support? Est-ce qu'on l'a sorti à mauvaise période? Parce que tu crois au potentiel du jeu, c'est-à-dire que le gameplay est encore totalement d'actualité, que le scénario est bien, que le public est prêt à ce moment-là à recevoir ça. Il y a des moments où simplement le public n'en veut pas. Il y a aussi ça, c'est clair. Il y a des trucs qui sont sortis une fois, puis ressortis après. On a des preuves comme quoi ça s'est vendu beaucoup mieux. Tu fais passer le public, en fait, qu'on voulait pas à ce moment-là. Tu sais pas pourquoi. C'est des modes, des passages, des envies. Donc, ça peut clairement jouer. Il y a des facteurs inconscients dans la vente de produits qui font qu'un produit marchera une époque et pas du tout une autre. Donc c'est comme ça. Et après, je pense qu'il y a également le fait derrière de voir si quand tu fais un remake graphique comme Link Awakening, là tu vas pas toucher directement à des points où tu es sur la nostalgie en fait carrément. Ou même quand tu fais une amélioration forte de Wind Waker ou de Twilight Princess. Tu vas toucher à des licences cultes. Donc tu vas toucher probablement un jeu culte de quelqu'un, là vraiment culte, je veux dire là tu tapes très large. Et donc tu te dis, est-ce que notre travail est encore d'actualité? Donc est-ce qu'il nécessite des ajustements, ce qui est le cas de Wind Waker, ou est-ce qu'en fait il jouera très bien comme ça, et qu'en fait on a juste besoin de faire un remake graphique. Je prends l'exemple de Link Awakening. Bon, le jeu il se joue très bien, je veux dire, il n'y a pas de problème de gameplay, la jouabilité est bonne, les énigmes sont bonnes, la structuration est bonne, le level design est bon. Il y a peut-être besoin de faire qu'un remake graphique, on peut en vouloir plus, mais en termes de jeu pur au départ, est-ce qu'il se suffit comme ça? Faut savoir si c'est cette question de départ. Est-ce que ça suffit comme ça? Est-ce que c'est encore aujourd'hui jouable? Je pense que c'est la question qui se pose en fait avant. C'est pour ça que les jeux sortent. Et après, il y a effectivement le fort aspect nostalgique. Ça, Square en est clairement tributaire là-dessus. Et Nintendo, un petit peu moins. Quand tu vois les choix de portage et de remake qu'ils font, c'est un petit peu moins ça. Xenoblade, je pense qu'il y a aussi le fait que le jeu n'a pas été distribué aux États-Unis, en fait, par Nintendo. Ça a été distribué par Exceed à l'époque. Et le jeu est resté très confidentiel dans sa distribution sur Wii. Le 2 a bien marché, est-ce que là on peut pas vraiment bien plus vendre le 1 en faisant un remake en plus, quoi, du coup? Est-ce que là on peut pas quand même revendre Xenoblade 1 comme un nouveau jeu aux États-Unis? Je pense que là la question s'est posée. Ouais, c'est possible. Et puis bon, enfin après bon, il avait quand même été porté façon crade sur New 3DS. Alors je sais pas quelles ont été les ventes, j'ai pas les chiffres en tête, mais bon, on va pas se plaindre, enfin on va pas se plaindre. Si certains se plaindront parce qu'ils diront que Monolith, au lieu de nous ressortir Xenoblade 1, ils pourraient faire autre chose, mais bon, ça c'est encore un autre débat, j'ai envie de dire. Ils sont un peu 5 studios maintenant, donc bon, ça se trouve c'est un débat. Oui, surtout qu'aujourd'hui, la majorité, ça c'est presque un argument qui ne tient plus aujourd'hui dans la mesure où... où les portages sont effectués par des entreprises externes, souvent, et les gros projets restent en interne, etc. Bon, il y aura toujours l'argument qui dit on peut se servir des studios externes pour encore des nouveaux jeux, c'est vrai. Bon, voilà. Ouais, sauf quand le studio il est spécialisé dans les portages, comme Grezzo, quoi, par exemple. Et là, ceux qui sont en train de faire Link Awakening, justement, là, et eux, ils ont fait que des portages de Zelda ces 8 dernières années. S'ils n'ont pas de game designer en interne, vous voulez qu'ils vous fassent quoi? Rien, en fait. C'est des gens qui se spécialisent aussi dans ce genre de choses-là maintenant. Et ces studios-là sont dédiés à ça. C'est des gens qui faisaient les portages de Dragon Quest sur DS auparavant également. C'est des gens qui sont dédiés, comme le studio M2 d'ailleurs à l'heure actuelle, à la remasterisation de jeux vidéo. C'est des techniciens qui sont dedans principalement. Et bah oui, bah, ça permet d'avoir des remasters de vieux jeux, c'est pas un mal. Les équipes principales sont pas touchées, continuent à faire leurs jeux. Il faut simplement que les gens intègrent que les jeux, bah, c'est aussi beaucoup plus long à faire qu'avant. Beaucoup plus long de sortir un nouvel épisode d'un jeu, quelle que soit la série. On a vu le temps qu'a mis Capcom à prendre le remake de Resident Evil 2, par exemple, pour prendre un remake. On a vu le temps également qu'il faut pour sortir un nouveau Zelda. On voit le temps à chaque fois. En attendant, est-ce que c'est pas mieux, en termes d'actualité, de faire revivre un vieux passé? Link Awakening, ça fait 26 et 28 ans bientôt. Donc, c'est vieux. Est-ce que c'est pas mieux de faire ça que rien faire du tout, en fait, au final, en faisant des vrais remakes graphiques par des gens spécialisés là-dedans, en fait? Ouais. Ouais, d'ailleurs, comment dire, aujourd'hui, comme tu dis, ils sont spécialisés, Panic Button, il y a eu Iron Studio aussi, Virtuos, avec l'effet Wii, lapsus, avec l'effet Switch, qui sont à refuser des projets de développement de portage tellement ils croulent sous la demande, c'est-à-dire à quel point aujourd'hui l'effet Switch il a aussi son importance, comme tu disais Titan. Il y a des moments où les joueurs ils en veulent pas du remake, du portage ou tout ça, et il y a des moments comme en ce moment avec la Switch où les gens ils veulent jouer à tout, n'importe quel jeu sur leur télé, on the go, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a peut-être aussi autant de portages, en tout cas sur Switch. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de studios maintenant qui sont devenus un peu des superstars, quoi. C'est limite, enfin, t'as les studios de développement classiques et t'as les studios spécialisés dans les portages, et quand tu vois l'annonce d'un portage, d'un remake, remaster, enfin nommer ce que vous voulez, comme vous voulez, bah t'as des gens qui sont là, ah c'est Panic Button, ah ouais ça va être comme ceci, comme cela, ah c'est machin, ah c'est truc, et c'est super intéressant ce développement de l'industrie, parce que comme tu disais Citan, enfin bon, il y a l'aspect sauvegarde du patrimoine, il y a aussi l'aspect comment on adapte un jeu venant d'un hardware, enfin développé, pensé pour un hardware plus puissant pour la Switch, etc. Et ça demande vraiment, ouais, comme tu disais, une certaine technicité, une certaine connaissance. Et ce qu'on observe aussi, c'est qu'au fur et à mesure des jeux qui sortent, adaptés par ces studios, on voit une amélioration dans la technique. Et ça aussi, c'est quelque chose, bah, pour nous joueurs, qui est quand même vachement important, mais qui est aussi vachement intéressant, parce que ça veut dire derrière qu'il y a quand même un investissement, c'est que ces studios, ils y croient. Et est-ce qu'on va pas arriver à un moment où ces studios vont vivre que de ça au final, que du fait que la Switch, que les consoles Nintendo sont un peu moins puissantes, mais que bah, avec l'effet Switch et peut-être avec l'effet Switch 2 ou peu importe ce qui vient après, bah, ces gens-là, ils ont trouvé un filon, c'est leur niche et c'est comme ça qu'ils vivent. Et c'est vraiment, enfin, c'est quelque chose que je trouve intéressant dans le développement de l'industrie, c'est que tu as une espèce, tu as deux canaux, tu as un canal principal qui fait les nouveaux jeux et qui alimente un canal secondaire qui fait les adaptations ou les remakes et les remasters avec vraiment une comment dire, une compétence, la compétence, les compétences qu'il faut en fait. Et c'est un développement un peu inattendu. Et je me demande en fait, quelque part, si ça aide pas en fait aussi au succès de la Switch, quelque part, le fait d'avoir des, voilà, par exemple, t'as un studio qui sort un jeu sur PS4, il veut le sortir sur Switch, le joueur Switch veut y jouer, bah il y a cet intermédiaire qui va être le studio qui adapte, qui va permettre d'alimenter en fait la Switch avec ces jeux tiers qui avant on pouvait même pas imaginer les voir, ou alors on les voyait que au launch parce que bah, c'est comme d'habitude, quoi. Le launch, c'est toujours ah bah voilà, on a un machin truc qui va venir soutenir, et puis bon, un an après, tu les vois plus. C'est quelque part des studios maintenant qui deviennent nécessaires pour les joueurs Switch, pour qu'ils puissent être alimentés, mais la Switch est aussi nécessaire à ces studios pour qu'ils puissent peut-être survivre et toujours avoir un carnet de commandes rempli. Oui, et puis ce genre de studio aussi maintenant qui existe, il y a aussi des studios spécialisés aussi pour les indépendants, vu que la Switch est un énorme phénomène pour le jeu indépendant. Il y a des indés qui arrivent à porter même leur jeu. Il y a des indés, ils sont deux, ils sont sur PC, ils ont deux de connaissances en fait, presque techniques, puisqu'ils vont prendre des moteurs déjà préexistants, parce qu'en fait, ils savent construire le jeu, mais ils ne sont pas de vraies notions pure techniques. Et il y a des studios qui spécialisent dans le portage des jeux indépendants maintenant, des éditeurs indépendants qui recherchent les studios pour le portage des jeux indés, parce que sur Switch, si tu ne fais pas ton jeu indépendant à l'heure actuelle sur Switch, bah, t'en vends pas, quoi. En fait, t'en vends très peu, tu arrives sur des marchés bouchés comme le Steam, ou des marchés où tout le monde s'en fout, comme la PS4 ou la One, quoi. Enfin, clairement, les jeux indés sur ces plateformes-là, c'est en train de... Les gens, ils n'achètent pas ces consoles-là pour ça. Ça ne peut pas dire qu'il n'y a pas des fans indés qui ont de la PS4 ou de la One. Si, il y en a probablement. Mais les gens, le grand public, la masse des ventes ne se fait absolument pas pour ça. Tandis que sur Switch, vu le format de la console et tout, t'as quand même masse de gens qui s'intéressent plus facilement, je pense, à ce genre de jeu-là, à cause de la portabilité, à cause de la souplesse, à cause du fait que, malgré que l'eShop soit construit d'une manière spéciale, c'est toujours moins l'usine à gaz que la PS4 et la One, que la chaîne News de Nintendo mette en avant pas mal de trucs, et ça fait la différence. Je pense, il suffit de regarder que les jeux mis en avant dans les news sont toujours les jeux les plus vendus dans le top, c'est que c'est pas un... et même quand c'est des jeux indés, ça a forcément son lien. Donc je pense que oui, il y a des studios qui ont un gros avenir pour faire simplement la partie technique, adaptation pure des jeux sur d'autres consoles, que ce soit un remake, un portage ou un remaster. Il y a Bluepoint qui fait des remakes sur PS4, qui a fait le remake de Shadow of the Colossus graphique, qui est extraordinaire, et voilà, ce genre de studio, ils font que ça, quoi, clairement. Ils n'ont pas d'IP, quoi. Mais ils n'en veulent pas, en fait. C'est des techos, quoi, des techniciens. Mais c'est très bien, hein, ça, qu'il y ait ça aussi. C'est très très bien. Et oui, enfin, c'est vrai que tu mentionnes Shadow of the Colossus sur PS4. Bon, on fait un podcast qui est centré sur Nintendo, mais c'est vraiment aussi un phénomène global. Bon, la partie portage, vraiment, enfin, adaptation de jeux current gen d'une console à l'autre, c'est plus spécifique à Nintendo parce que le hardware de la Switch, mais c'est vrai que cette mode de remaster, de portage, etc., comme tu le disais en introduction du dossier, c'est un phénomène qui est aussi lié au fait que les jeux coûtent plus cher et sont plus longs à développer. Comme tu disais, bon, bah, c'est soit t'as rien parce que les studios sont occupés à cravacher sur un jeu, soit t'as ces petits moments de nostalgie, ces petites choses que tu peux faire ou refaire en attendant d'avoir le gros jeu, quoi. Et c'est vrai que c'est une évolution, je dirais pas regrettable, c'est peut-être pas ce qu'on attendait du futur, mais au moins, ça nous fait toujours des jeux auxquels jouer. Et oui, et c'est aussi un pur produit de communication aussi. Maintenant, le remaster, il rentre dans la com du prochain opus à venir. Quand même, ça se voit, il suffit de regarder que quand tu annonces un remaster, deux secondes après, tu as un teasing pour le prochain jeu, simplement avec la date, le nom et le truc, tu fais « Ah, trop bien, l'autre qui arrive », voilà, et tout. C'est, maintenant, ça rentre clairement dans le pipeline, je pense, de communication. Ouais et puis, on en parle comme si ça venait de débarquer, mais en fait, on n'a pas attendu la Switch ou les PS4 One pour se taper des portages, des remasters et des remakes, en fait. Et clairement, je pense que Nintendo est déjà bien calé sur le sujet, bien avant les consoles qui font l'actualité. Ouais, c'est sûr. Enfin, on se souvient des portages. On va dire remake Super Mario All-Stars sur SNES, et puis il y a même la GBA que certains appelaient la SNES Advance, parce que c'était vraiment la foire aux jeux Super Nintendo sur GBA. Donc oui, c'est sûr que c'est pas un phénomène nouveau, et Nintendo était était vraiment sur le coup depuis super longtemps. Donc ouais, donc enfin je pense que la conclusion de ce dossier, c'est que vraiment tu as, bon, il y a les bons portages, il y a les mauvais portages, il y a les enfin remake comme le chasseur. Exactement. Il y a ceux qui sont chers, il y a ceux qui sont pas chers, et puis il y a ceux qui ont le juste prix. Mais au final, on se plaint, enfin, certaines personnes se plaignent de choses qui sont maintenant communes dans l'industrie et qui, je pense, sont nécessaires non seulement à la survie des studios, mais aussi à l'alimentation du catalogue. Et ma foi, c'est toujours des choses, si t'aimes, tu prends, et si t'aimes pas, bah, tu peux ignorer. Donc, pour répondre à la question, est-ce qu'il y en a trop, est-ce qu'il y en a pas trop, bah, c'est pas trop le problème. Le problème, c'est est-ce qu'il y en a qui t'intéressent ou pas. Et ça, c'est à chacun de choisir et à chacun de décider combien il veut investir dans un jeu. Et voilà, des fois c'est bon, des fois c'est pas bon. On fait avec quelque part. Vous avez quelque chose à ajouter à cette conclusion, messieurs ? Ouais, moi, je crois que j'ai fait le tour. Enfin, c'est un vaste débat, il y a énormément de choses à dire, hein. Je pense encore sur les portages et remakes. Mais bon, ta conclusion me plaît bien, François. Donc, je ne rajouterai rien. Idem, c'est bon pour moi. Eh bien, on va conclure ce dossier, du coup, et enchaîner sur un petit tour d'horizon. On va un peu parler des jeux auxquels on joue, les jeux auxquels on attend, ou si vous avez une déclaration particulière à faire, allez-y. Donc, pour ce tour de table, je vais commencer par Sid. Sid. Petit tour d'horizon. Ouais. Alors tour d'horizon. Écoute, moi en ce moment, écoute, je joue à la SNES Online et Super Mario World. Et puis j'attends Astral Chain et Dragon Quest Builders 2, qui devrait pas tarder parce que bon, peut-être qu'il y en a qui savent ou pas, mais j'habite pas en France, j'habite à l'étranger, donc il y a un petit délai entre le moment où j'achète mon jeu. Parce que je suis très boîte, pour ceux qui me connaissent. Donc j'achète toujours mes jeux en France et puis je me les expédie, je les importe dans le pays dans lequel je vis actuellement. Donc avec un certain délai, parce que voilà, tout ça, toutes les conditions, les facteurs, les frais de port, etc. font que j'envoie pas des colis tous les jours. Donc voilà, et puis bah, concrètement, les attentes de fin d'année, Zelda, Luigi's Mansion, Pokémon, et puis... En petit plaisir coupable, je prendrai New Super Lucky Stell, un jeu qui est développé par Play Studio, qui était sorti sur Oculus en premier lieu en VR, après sur Xbox One, où on incarne un petit renard en plateforme 3D. Voilà, c'est tout pour moi, pour cette fin d'année 2019 qui est très très très chargée. Voilà. Eh ben ok, à ton tour si t'es l'homme dit Gauthier. Bah moi je vais jouer en ce moment, je joue à Fire Emblem, j'essaye de finir Fire Emblem qui est sur une maison qui est assez longue, j'ai un temps de jeu un peu plus réduit en ce moment, donc j'essaye d'optimiser, donc et puis j'ai mis en dur parce que j'aime bien souffrir moi dans Fire Emblem, donc et là je commence à souffrir vers la fin quand même, là je commence à comprendre que c'est dur, et bah j'envisage de faire là après en fin d'année, moi mes deux jeux principaux que je vais faire, ça va être Luigi's Mansion 3 probablement. Donc ça, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des grandes chances que ce soit ça. Et après, je suis très intrigué, sur un autre support, je suis très intrigué par Death Stranding. Je vais voir si Kojima a été au bout du délire ou a fait un truc complètement what the fuck, ou si j'espère juste que c'est pas une belle coquille vide, quoi. Mais on va voir, là on sait pas, et j'aime bien de temps en temps ne pas savoir être surpris, donc je vais tenter le coup. Eh bah ok, bah, à mon tour maintenant de faire mon petit tour d'horizon. Donc ouais, au niveau des jeux auxquels je joue en ce moment, je suis pas mal sur Astral Chain. Il faut encore que je termine Fire Emblem, je devrais pouvoir multitasker, pardon. Et puis, les jeux que j'attends, il y a Demon X Machina, mais là, il arrive très bientôt. Et si je puis me permettre, je vais évoquer un jeu qui n'existe pas, mais si on pouvait avoir un nouveau Sin and Punishment, par Treasure, évidemment. Voilà, je vends mon corps à Nintendo. Voilà, donc, c'est déclaré. Citant, c'est Wave Race. Toi, c'est Sin and Punishment. Voilà. Eh oui. Eh bien, voilà qui conclut notre épisode 0 du Conseil des Trois. Ça a été un plaisir, messieurs, d'animer ce pilote avec vous. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi. Ouais, bon, on a pas mal discuté sur un peu tout. Peut-être un peu trop, d'ailleurs, mais c'est un plus tard. On est... On est presque à 3 heures, je crois. Ouais, il va falloir qu'on apprenne à... Ça fait beaucoup, quand même. Ouais, ça fait beaucoup. Est-ce que les gens sont prêts à nous écouter 3 heures? Ça, ah, c'est sûr. On peut rajouter quelques trolls sur la Xbox, s'il y a besoin. C'est pas de problème. Non, mais on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Avant que ça... On perd des auditeurs, là. C'est plus possible. Attention, nous sommes des joueurs totalement objectifs qui jouons sur tous les supports. Nous n'avons aucune animosité envers les autres. aucune obédience. On est neutre. Et ben merci à vous de m'avoir accompagné, d'avoir animé ce podcast. Merci tant. Merci à vous. Et puis merci aux auditeurs qui nous écoutent encore, hein, si y en a encore là. Et puis on se retrouve peut-être bientôt, peut-être pas, on sait pas encore. En tout cas, on a beaucoup aimé faire ça et juste dites-nous si c'était bien, si c'était pas bien, les choses qui vont, les choses qui vont pas. On essaiera d'améliorer si il y a un podcast suivant. Et à bientôt. Allez. Salut tout le monde. À la prochaine. Salut.